3, 2. Salut les accros, ici le Big Ben. Et en synthèse, Rétro Baker en PQ. Et Marilyn. Pour le podcast des accros, l'édition du 15 avril 2012. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien toi? Ah, moi ça va toujours bien. Oui, j'ai ça. Va super bien. Super. Il se passe beaucoup de choses ces temps-ci, côté monde du jeu vidéo et du geekness. Mais d'abord, j'aime ça me savoir un peu comment vous allez, vous, de votre bord, des nouvelles plus côté gamer ou geek. On va commencer avec Antithèse. Qu'est-ce qui se passe de neuf dans ta vie côté geek? Côté geek, c'est surtout des... quand c'est pas jeu vidéo, moi c'est surtout comic book puis CD, comme tu le sais. Ouais. Alors, alors, côté CD, mon fan service, ça arrête d'être ennuyeux. C'est, je me suis juste procuré un album qu'il faut que tu commandes du groupe Sepultura. Fait que j'ai commandé leur album live, Under a Pale Grey Sky. Qu'est-ce que cet album spécial-là, c'est... Le chanteur a quitté directement après le concert pour retourner aux États-Unis. Ça a été enregistré au Brixton Academy de Londres. Pourquoi le chanteur a dû quitter? C'est parce qu'il s'est fait dire que son gars s'est fait tirer. C'est marquant. L'album est spécial sur plusieurs points. C'est la fois la dernière performance live du groupe, mais pour une très bonne raison. Okay. Parce qu'après ça, il y a eu des tensions. D'accord. Pardon ça, ben écoute, je suis l'heureux propriétaire d'une PS3. Alors, c'est quoi ton identifiant PS3 pour que les gens puissent te rajouter? Antithèse. Antithese. Super. Et quelques jeux que... Excuse-moi, quel jeu que tu as joué ces derniers temps? Côté PS3. Côté PS3, c'est surtout... la fois que j'ai une PS3, écoute, je m'amuse avec Prototype. Mm-hmm. Prototype 2 qui sort bientôt. Mm-hmm. Je me suis amusé en ligne à Resident Evil 5 Gold Edition. Ok. Mais le jeu qui a fait plus mon attention présentement, c'est le Castlevania Harmony of Despair. J'ai pas encore essayé celui-là. Qui cependant, il, actuellement, pour les fans de Castlevania depuis ses débuts, je pense que là-dessus, Retro Gamer PQ Et comme moi, c'est un fan inconditionnel de Castlevania. Mm-hmm. Puis j'ai Harmony of Despair aussi sur Xbox. Ouais, exactement. Puis toi, puis sur Harmony of Despair, j'allais dire Harmony of Xbox, mais c'est Harmony of Despair que je voulais dire. Harmony of Despair, moi je l'aime bien. J'aime bien la variété que le jeu a, puis là aussi. Mais c'est le fait qu'il faut que tu payes pour des. Pour les suppléments, comme je pense que tu peux acheter 4 plus, tu peux acheter... Mais c'est simple, c'est surtout un jeu en ligne, c'est pas nécessairement un jeu single player. C'est plus de fun en ligne, mais au moins le offline il est pas mauvais non plus. Là. Non, c'est sûr, mais... Il est fait pour en ligne. C'est pas fait pour être un Castlevania seul, mettons. Là. Y a-tu encore bien du monde qui joue ces temps-ci à ce jeu-là? Ben, moi, sur Xbox, j'ai essayé de me loguer avec du monde sur Xbox Live, pis y'a personne. Ok. Fuck. Pis toi, côté PS3, t'as-tu vu du monde sur Internet ou. C'est quoi? J'ai un peu honte de la net, j'ai pas eu le temps d'essayer Honor of Despair sur PS3 online. Je fais dur. Ben, tu nous donneras des nouvelles au prochain podcast pour savoir si tu l'as trouvé bon ou pas bon, là. C'est dommage que tu n'aies pas une Xbox, on aurait pu jouer ensemble. Et t'as-tu compris? C'est pour ça que depuis maintenant deux podcasts, il y a le running gag du... En tout cas, t'es obsédé par le PS3, mais très anti-Xbox 360. Résultat, il peut pas jouer avec Big Ben ou avec Retro Gamer PQ ou avec d'autres accros. Fort. Ben, moi j'ai les deux, mais je pense que je vais y aller côté Xbox parce que j'ai plus une attirance pour la Xbox en ce qui a trait au jeu. Je sais pas pourquoi. Je trouve que la Xbox est des fois mieux faite que la PS3 dans les jeux. Vraiment? Ben, moi je trouve, là. Il y a certains jeux, là, je trouve que je me fais plus de fun à jouer sur le Xbox. Je pense par exemple, juste en ce moment, j'avais loué Duke Nukem au Xbox. Puis là, j'ai acheté la version PS3, puis il me semble que j'aurais pu jouer à sa Xbox. Ah, ok. Intéressant. Pareil. Ouais, c'est assez bizarre, mais... C'est pourtant le même jeu, mais l'expérience est, de ce que tu dis, différente. Oui. Oui, effectivement. Il y a une grosse différence à ce qu'il y a trait au. Je sais pas. Mais c'est sûr que je suis branché en composant 6 couleurs sur ma Xbox, tandis que sur mon PS3, ben, je suis branché sur le fil droit couleur bien cheap. Ah. Fait que peut-être qu'il y a une différence là-dessus, je sais pas, ça va venir par là. T'es pas en HDMI avec ta Xbox. Shame on you. Ouais, mais j'ai une raison, j'ai même pas de télé HD encore. Ah non? J'ai ma grosse Berta. Ben, c'est parce que j'ai acheté ma télé la génération d'avant la HD. Fait que c'est encore une grosse télé, mais c'était le début des fils 6 couleurs. Fait que c'est pour ça. Mais je regarde ça pour... Noël prochain, je vais m'acheter une nouvelle télé HD. Je vais te donner ma 32 pouces de Samsung. Je vais aller m'acheter une plus grosse TV. Comme ça, ça va donner une raison à ma blonde m'acheter une télé. Connaissant ta blonde, elle va être en train de t'écouter là. Elle comprendra à faire. Ben, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai une TV similaire à ce que tu viens de décrire. Ben, tu sais, je veux dire, là, bon, là, j'ai un déménagement, fait que c'est sûr que le déménagement, mes sous passent là-dessus. Mais sinon, dès que possible, c'est une nouvelle télé que je vais avoir, parce que veux pas, tout s'en vient HD, tout s'en vient. Il y a une expérience différente avec le HD comparativement à la télé bien normale, fait que c'est sûr que je vais me lancer là-dessus, là. Mais on va encore se faire dire qu'on est en retard à cause du fichu 3D. J'en veux pas de 3D. Moi non plus. Je pense que le 3D, ça va être une passe qui va finir juste dans les cinémas éventuellement. Oui, effectivement, même encore. Encore, selon moi, là, ça va disparaître pareil. Mm. Parce que je suis pas capable, sérieusement, même les jeux 3DS, Dortan nous en parlait sur le forum dans ma dernière critique du jeu Zelda, Ocarina of Time, j'ai pas parlé de l'effet 3D. L'effet 3D est beau. Mais je suis pas capable de jouer avec du 3D, peu importe, ça me donne mal aux yeux. Ben, il y a aussi que 20% de la population qui peut pas voir le 3D, puis ça, c'est sans compter ceux qui ont moyen qu'un œil, puis qui ont une vision trouble d'un œil. C'est très mal pensé, cette gamique de 3D-là. Pour ceux-là comme moi qui sont capables de le voir, c'est bien pensé, mais comme tu dis. Mais même encore, des fois, ça vaut pas la peine pantoute. Ah, j'allais voir quoi, le premier Clash of the Titans avec Mary? De peu, j'ai enlevé les lunettes au milieu du film, puis j'ai écouté jusqu'à la fin sans avoir besoin de mettre des lunettes. Ouais. Puis je voyais quand même très bien, il n'y avait pas le même moment où est-ce qu'on voyait du 3D. Là. Fait que selon moi, c'est plus une gamique pour faire payer 3$ de plus au cinéma. Ah, c'est clair. Ouais, ça dépend des films, là, mais. Ouais. Ben, tu sais, Avatar, c'était vraiment fait pour ça. Ben oui, ben il a été filmé pour ça. Là. C'est ça. Tandis que la plupart des autres films qu'on est allé voir, ça faisait pitié, là. Ouais. À mon avis. Mais toi, côté jeu, Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Ben là, avec ma Xbox 360, très occupé. Ok. Comme là, je sais pas si t'as vu sur le forum, mais j'ai acheté Street Fighter 4, j'ai acheté les autres fois, j'avais dit Assassin's Creed, Prince of Persia. J'ai acheté un jeu qui s'appelle Naughty Bear. Oui, un jeu québécois, ça. Ben, je sais pas si c'est québécois, mais oui. C'est nul à chier. C'est un jeu québécois, c'est ça le pire. C'est une compagnie de Montréal. J'avoue que j'ai bien ri à essayer de tuer des ours en peluche avec mon ours. C'était très drôle. Je pense que j'ai eu plus de fun à tuer des ours en peluche dans Conker Bass Fur Day. Fait que... Ouais, ben, en tout cas, j'ai bien ri, ma viande a bien ri aussi en regardant moi bûcher des ours en peluche avec des haches et des. Et en les mettant en feu. pour ça, ben, évidemment, Armory of Despair, Lords of Shadow, que j'ai très bien aimé. Mm-hmm. Je n'ai parlé un peu dans ma dernière critique. Oui, t'en as parlé un peu. C'était vraiment cool. Puis tu m'as donné le goût d'y rejouer. Ben, j'avais joué un petit peu à ce jeu-là. Puis j'ai arrêté à cause d'un. Je pense que c'était le troisième tableau. J'étais comme. C'est quoi, ouais, il y a des affaires qui des fois sont chiantes, mais ça vaut la peine des fois de sacrer un peu pour voir la suite. Là. Je te l'accorde. Parce que l'impression première que j'avais du jeu, c'était vraiment bien. Mais lorsque je t'ai rendu au marais, puis je t'ai fait comme. Dès que tu touchais à l'eau, tu crevais, j'étais comme. Ouais, ouais, c'est ça. Puis j'attends toujours mon Xenoblade de Chronicles. Moi, je l'ai. Éventuellement. Ouais, je sais qu'il l'a. Oh. J'ai juste joué à ça. Est-ce que tu devrais me le procurer? Sérieux, pensez-vous? Oui. Sérieux? Ouais. Oui. Oh, c'est un des meilleurs jeux que tu peux avoir pour ta Wii. Sérieusement, là. Puis Sylvain, en plus, là, si tu veux quelque chose pour te sortir de ton addiction à WoW, là, c'est ce jeu-là. Et j'ai pu toucher à WoW depuis que je l'ai. Ouais, je vais, moi, mais moi, je vais sûrement y retoucher pareil. Ça, je me connaissais. Ça se peut fort bien, mais sérieusement, là, je suis que sur ce jeu-là. À part pour mon défi danse, je fais les jeux de danse et les jeux d'exercice. Donc, je suis comme obligé de toucher à ça. Mais je n'ai joué qu'à ça. Là. Je suis rendu à 25 heures de jeu, puis je m'abreuve à l'histoire. Je joue ce jeu-là, puis c'est comme si j'étais dedans solide, là. Ben, moi, je vais peut-être jouer plus tard parce que c'est un RPG qui va demander beaucoup de temps. Oui. Fait que je vais attendre d'avoir fini quelques jeux que je veux finir avant parce que moi, je me fais comme une liste genre à finir, là, mm-hmm. à faire. Oui, ouais, parce que sinon, je joue un peu, puis là, j'arrête, puis là, je commence un autre, puis là, je ne sais plus comment jouer, puis ça arrive de même. C'est comme là, je veux finir Spirit Camera pour la 3DS avant d'entreprendre un autre gros jeu. Là. OK. Je viens de finir Resident Evil Operation Raccoon City. J'ai fini Lords in Shadow. Il faut que j'en finisse d'autres, là, bien avant que je finisse Xenoblade. Non, sérieux, moi, je suis dedans. Puis je pense que je suis là-dessus jusqu'à au moins 2 semaines. Puis après 2 semaines, c'est toujours parti ma critique. Là, mais oh non, sérieusement, là, c'est un des meilleurs jeux de la Wii qui nous a offert ces derniers temps. Faut que tu trouves du temps pour Last Story. Hein? Oui, effectivement, au mois de juin, il faut que je trouve du temps pour ça aussi. Maple Story? Non, Last Story. Ah, oh, Last Story. Jeu fait par le créateur de Final Fantasy. Oh boy. Ça va être très différent, j'espère, de Blue Dragon. Là, donc, Blue Dragon, j'ai pas si trippé que ça. Ouais, apparemment que Last Story, c'est très bon. Hein? Ouais, j'ai très hâte de jouer, sérieusement. Et les critiques européennes, puis ça en a pas pire. Je vais me sauter, les joueurs sauter probablement sur l'occasion. Surtout que, bon, on s'entend, c'est les deux derniers jeux de la Wii, là. Ben, ouais, ben, il y a peut-être une chance d'avoir Pandora's Tower aussi. Ah, ça, j'étais pas au courant. Ouais, ben, le salaire qu'ils sont en train d'y penser, là. Fait que... On va croiser les doigts, parce que sérieusement, là, c'est des très bons jeux. Bon, en tout cas, je trouvais ça bizarre que de la part de Nintendo, qui ont fait comme, ah non, ça, on sort pas ça aux États-Unis, ça pognera pas. Mais ben, avec Xenoblade, ils ont quand même raison sur un certain point parce que les RPG en Amérique, style japonais, ouais. ça pogne avec une certaine clique. Mm-hmm. Ça pogne avec des gamers comme nous autres. Mm-hmm. Mais population générale, ça pogne pas. Puis dans le monde d'aujourd'hui où il y a beaucoup de compétition, si ton jeu pogne pas avec le monde général, tu risques de pas beaucoup en vendre. Ouais, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tout de même, s'ils sont capables d'en vendre une couple de copies avec Xenoblade. Ben, ouais, c'est ça. Ben, ils ont fait la tactique du pre-order juste avec Nintendo pour commencer. Mm-hmm. Puis ils ont vu qu'il y avait des chiffres potentiels. Fait qu'ils sont allés un petit peu plus loin après avec GameStop. Ouais, en tout cas, moi, je suis bien content de mon achat. C'est un très bon jeu. Je vais probablement critiquer d'ici à la fin du mois. Là. Mm-hmm. Puis. Ça joue en ligne? Non, ça ne joue pas en ligne. C'est seulement offline. Ouais. Mais c'est vraiment un monde vaste. C'est comme si c'était un MMORPG, mais offline. Ah, c'est intéressant. C'est en real time, je pense aussi. Hein. Oui, en real time, avec tes habiletés ont toutes des cooldowns comme dans WoW. C'est vraiment cool. Puis t'as des tactiques aussi lorsque tu te bats pour pouvoir faire plus de dégâts. Ça me fait penser au MMO que je suis dans le bêta présentement, là, Terra Online. Là. Ok. Puis c'est à peu près ça. Là. Ça se peut, j'ai pas eu bien de nouvelles là-dessus sur Terra, j'avoue, franchement. T'as-tu une clause qui t'empêche d'en parler? Ou... Non, on est en open beta. Là. Ok. Non, c'est ce jeu action, là, comme un peu comme tu décris Xenoblade Chronicles, c'est un RPG, là, c'est un MMO. Là. Sauf que tu cliques pas ces monstres pour aller attaquer le monstre, là, comme dans WoW, puis tout ça. Il faut vraiment que tu bouges puis tu fasses de l'action. Là. Ah, c'est cool. Ça fait différent. Puis tu peux jouer avec une manette d'Xbox, après ton PC si tu veux, puis etc. Ah, c'est nice. C'est cool d'abord. Sinon, à part ça, t'avais pas d'autre chose à faire. Resident Evil, comment t'as trouvé ça, Raccoon City? Ouais. Je suis du bord que c'est bon, puis du bord que c'est pas bon. Je suis comme neutre, là. Ok. C'est un petit peu trop tactique à mon goût. Moi, les jeux genre Call of Duty, puis tout ça, j'aime pas vraiment ça. Mm-hmm. Et même si j'ai trouvé. Ça intéressant de me promener dans Raccoon City puis tuer des zombies à pocheter puis tuer des membres du gouvernement puis etc. Mais c'était le fun sauf que j'ai trouvé que c'était trop tactique. Ok. Je sais pas ce qu'on prend. Je sais pas comment décrire le problème de ce jeu-là. En tout cas. Faut que tu juges de tactique finalement pour tuer les zombies. Ben, pas les zombies, mais plus les équipes de militaires qui t'attaquent. Okay. Pour vraiment que tu sois tactique, que tu te promènes, tu sais, les bonnes affaires au bon moment, les bonnes grenades. Faut vraiment que tu mets... Puis en plus, l'intelligence artificielle de ton équipe est à chier, là. Ils font vraiment pas les bonnes affaires au bon moment. Ils sont toujours morts. Faut toujours les remettre en vie. Let's go. Un peu comme Ghost Recon. Hein? Un peu comme Ghost Recon. Recon. Ouais, ben, j'ai jamais joué vraiment à Ghost Recon. Fait que je peux pas vraiment te dire. Ok. Mais en tout cas, j'imagine que si je jouais avec du monde en ligne, ce serait un petit peu mieux. Et comme je déteste jouer à ce genre de jeu-là avec du monde que je ne connais pas. Qui m'enverrait chier probablement parce que j'ai fait la mauvaise affaire. Là. Mm-hmm. Ben, j'aurais jamais l'expérience réelle à multiplayer. D'accord. Sinon, à part ça, bon, là, on est rendu au côté à Marilyn. Marilyn, qu'est-ce que tu joues ces derniers temps? Vous allez me détester. J'ai pas vraiment eu le temps de jouer à quoi que ce soit depuis au moins 2 semaines. OK. Récapitulatif vite, j'ai un nouveau travail, fait que donc j'ai moins le temps de jouer. Mais je pourrais un peu dans le même sens que Big Ben. Je l'accompagne dans son défi danse. Donc je suis à tous les jours sur Just Dance 2 puis Just Dance 3. Puis, je risque d'en faire une critique, je pense, au train que je joue à ça, là. Sûrement, oui, je vais te le laisser, ça, c'est sûr. Merci. Puis, c'est ça, c'est pas mal les seuls jeux que je joue présentement. J'ai pas vraiment le temps pour ça présentement. Je vais me forcer pour jouer un petit peu plus d'ici le prochain podcast, c'est sûr et certain, là. Si vous avez des jeux à me conseiller sur la 3DS, la DS, peu importe, là, laissez dans les commentaires, hein. Je suis à la recherche de nouveaux jeux, hein. On va te faire une liste. Oui, il y en a beaucoup qui sortent récemment. Je vais demander à ma blonde qu'elle te fasse une liste. Non, des jeux pour filles. Pas nécessairement, tu sais. C'est pas nécessaire des jeux de Dora l'exploratrice ou de la Montana. Non, non, mais tu pourrais avoir comme Hell's Kitchen là, avec Gordon Ramsay. Là. Oh, si, bon. Surtout que Marilyn adore Gordon Ramsay. Oui. À chaque fois qu'une émission qui passe à, je pense, c'est Gaza, elle l'écoute puis elle est comme « Wow, trop bon ». J'approuve. Ben, c'est regarde, je veux pas, mais je veux pas l'avoir comme chef. Me faire dire comme quoi que je cuisine mal, là, je pense que j'aurais envie juste d'y en casser une, ça y est. Il dirait, you're a fucking idiot! Ouais, mais il a pas conscience que les gens avec qui il blasse sont armés. Il a pas conscience de ça. Non, lui, il s'en fout. Lui, de toute façon, il fait assez de cash qu'ils vont être capables de les poursuivre, peu importe la connerie qu'ils vont faire. Arrête, il y a assez de cash, il paye des ninjas en background pour éviter que ça arrive. Fuck! Ça, c'est fucking hot. Si quelqu'un est bon, regarde, je vais faire pareil comme dans les Mystérieux Étonnants, là. Si quelqu'un qui est bon à faire du Photoshop, je vais voir Gordon Ramsay dans un suit de ninja. Ou avec son armée de ninja en arrière, ça serait je vais te faire ça, Ben. Ah oui? Ah, t'es bon avec le Photoshop? Ça serait cool. Désolé. Ça voudrait dire que Gordon Ramsay, à ce moment-là, devrait des royautés à Epic Mealtime. Oui, effectivement, je pense. Mais il y a plein de choses qu'il devrait avoir des royautés, finalement, là. Moi, tout le monde me doit des royautés, moi, fait que... Ouais, c'est ça. Okay, règle de problème. Dis-moi pas que t'as un brevet et qu'Apple t'en doit aussi. Ah, moi, j'ai plein de brevets partout. Moi. Ah, oui. bon, ben, moi, de mon côté, ben, comme vous savez, je travaille, mais je suis sur le défi diète du jeu vidéo. J'ai fini Just Dance 2, Just Dance 3, les deux défis que je me suis lancé. Et demain, je commence mon nouveau défi qui s'appelle Your Shape. Un jeu d'entraînement de la Wii avec une caméra. Ça a l'air très mauvais. Ça a l'air. Oh, que j'imagine que je vais faire une critique. Puis, on s'entend-tu que c'est pas une Kinect qui te reconnaît, c'est une caméra. Donc... je m'attends pas à grand chose, finalement. J'ai hâte de te voir sacrer là-dessus. Pardon, Marilyn. Désolé. Qu'est-ce que t'as dit, je veux que Marilyn parle d'abord, puis ensuite je parlerai. Je l'ai interrompu. En fait, j'ai juste bien hâte de le voir sacrer là-dessus cette semaine. Si vous trouvez un jeu Your Shape dans la rue à Montréal, c'est moi qui l'ai pitché. OK. Bon, on va voir. Sinon, à part ça, ces temps-ci, je joue à Duke Nukem. J'ai joué à Uncharted le premier. J'ai pogné 10$ dans un magasin, dans un marché aux puces. Pour Uncharted 1. Oui, Uncharted 1 et 2, 10$ chaque. Donc, j'ai vraiment fait une aubaine. Puis il y avait plein de liens de jeux. C'est pas des copies à rien, là, c'est vraiment des vraies copies, pas chères, 10$, marché aux puces métropolitain. Si vous êtes dans le coin de Montréal, là, allez-y, il fait vraiment des bons deals. J'ai poigné Fantavision pour 1$. Surpris. Ah, je pense savoir ce que t'as été. Ouais. À quel kiosque? Ouais, le gros kiosque avec toutes des. Au milieu, là? Ouais, une pile de PS1, là. Ah, Seigneur, c'est là que j'ai pris mon Strider 2 pour 55$. Ouais. Ouais, mais c'est. Ouais, mais tu vas au Game Buzz, tu prends toute une. Va te faire 200. Et c'est voilà. Ouais. Moi, je l'ai pour 55, puis la copie est nickel. Fait que je vais pas à me plaindre. Cool. Puis il est pas disponible sur le PlayStation PS Store, fait que... Ben ça, c'est Capcom, hein. Ils sont du genre pas mal à... Lequel, ça? Quel jeu? Strider, pour PlayStation. Ah, Strider? Strider. Ouais, Strider, ok. Alias Strider 2. Il y a deux CD, puis écoutez bien ça. Tu as le CD Strider de l'arcade, que tu peux avoir anyway sur Capcom Classic Collection. Ouais. Et tu as l'actuel jeu Strider 2. Mais ça, je pensais que c'était juste une rumeur au départ. Mais quand vous avez le CD, l'étiquette de vous avez naturellement, bon, l'étiquette de Strider 1, l'étiquette de Strider 2. Finalement, ce qui arrive, c'est que ça a été inversé. Ce qui veut dire que dans celui qui est étiqueté Strider 1, donc l'arcade, c'est en fait le jeu Strider 2. OK. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté les copies ou même retiré. Parce que je sais que ça n'a pas été très très longtemps sur au marché. OK. Moi, je me rappelle, l'ancienne place sur ce que je travaillais, il avait ce jeu-là, puis... J'aurais dû le leur acheter, tellement que j'ai eu du fun aux deux, là. Puis au 1 également. Ah oh oui, ah oh oui. Bon, je l'ai pas. Fait que je vais faire avec l'émulation, malheureusement. Ah, oh, parlant d'opportunité, juste une petite parenthèse pour PL. J'ai vu Metroid Prime Trilogie au Microplay pour 34$. Ah! Oh! Tabarnak, man! Tabarnak, là, j'ai passé à tout de suite. Là, sur le coup, j'ai pas réagi. Je connais quelqu'un qui aurait aimé savoir ça. Là, je suis sorti, puis je dis que je vais l'acheter, puis j'ai pas ça, je vais y revendre au même prix, tu sais. Puis il y avait quelqu'un qui venait juste de partir avec. Ah! Non! Non! Puis, tu vas sur eBay, là, puis t'es rendu le pire, là, c'est qu'il était de meilleure qualité, là, physiquement, que celle-là que j'ai acheté à 59$. Ah, si bol! Non! Fait que c'est ça. Yes, si. Ah, chanceux. Parce que, sérieusement, là, je l'avoue, je le checkais, puis je vérifiais les prix sur eBay. C'est toujours 120, 140. Je suis comme, ah, c'est trop cher. Je veux pas payer ça, tu sais. Dans le cas ça, je vais mettre... J'ai déjà le 1 puis le 2 sur la GameCube, tu sais, mais c'est pas la même chose. Non, vraiment pas. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je joue de même? Je me suis pogné une couple de jeux. J'ai pogné le jeu Primal pour 99 cents aussi. C'est le jeu qui est dinosaure, ça? Non, ça, oui. Non, c'est non. Un jeu PS2 avec une fille genre qui s'en va dans le monde démoniaque. Puis que... Ah, oui. J'ai pogné ça une pièce chez GameStop. Je peux-tu dire que j'étais content de l'avoir à payer 99 cents? Mais je me rappelle que le jeu était très long, ça prenait du temps avant de faire un tableau, mais ça a l'air que le jeu est bon, c'est ce que je voyais. Ouais. Je vais essayer d'y jouer le mois prochain, là. Mais c'est la chose que j'attends de jouer en ce moment. Puis sinon, ben j'ai joué à Justice League Heroes sur DS, le pire jeu que j'ai joué. Mon Dieu que c'est mauvais. Comme la plupart des jeux de super-héros, hein, à part peut-être Batman Arkham City. Pis... Oui, puis, tu sais, c'est surtout la variété des monstres. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Tu as toujours le. Ah, il y a tant de robots qui ont attaqué la ville de Gotham. Va défendre la ville parce que Batman n'est pas là. Fait que tu t'en vas battre des robots. Ah, Batman a été enchanté. Il n'est pas capable de distinguer le bien et le mal. Qu'est-ce qui se passe? comme un gros fuck you. Ah, c'est pas de jouer à ce jeu-là. J'ai payé une pièce aussi, mais je pense que je me suis fait fourrer une pièce. Mais ce jeu-là, tu l'as sur quelle plateforme? DS. Pauvre toi. Ouais, pauvre moi. Mais bon, ça va grossir la Galaxie entre-temps, là. Fait qu'au moins, on l'a pareil. Fait que sinon, on va commencer avec les nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. Oui. Alors, juste pour vous informer, premièrement, ceux qui savent, qui ont écouté le dernier podcast avec JP Cardin, moi, j'ai participé au projet Kickstarter pour le jeu Shadowrun. Oui. Et juste vous faire rappeler que finalement, j'ai vraiment acheté le jeu, j'ai payé 15$. Et ça vous offre une copie libre de DRM. Et j'ai très hâte d'y jouer. si vous voulez savoir un peu quoi ça va peut-être ressembler le jeu, il y a des ROM du jeu en Genesis et en Super Nintendo qui sont disponibles. Et ça a l'air que le jeu va ressembler à ceux-là. De ce que j'ai entendu parler. Donc, si jamais ça vous tente d'avoir une expérience différente, je vous conseille fortement de checker ça. Kickstarter Shadowrun. Fait que pour commencer avec les premières nouvelles, une des nouvelles vraiment qui m'a frappé le plus cette semaine, c'est Nintendo qui a enregistré le nom de Super Mario 4 sur Internet. Ouais, ça m'a étonné pas mal, considérant que au Japon, Super Mario World, c'est Super Mario Bros. 4. Oui, effectivement. Je t'avoue que j'ai été très surpris. Nintendo aurait enregistré le nom le 3 avril. Donc, on entendrait des nouvelles probablement peut-être au prochain E3, j'imagine. Sûrement. Et ben ça ferait suite au dernier jeu Super Mario Bros. 3 qui est sorti en 1990. Bon, avec le cast qu'on connaît du jeu. Sérieusement, je sais pas quoi m'attendre. J'espère qu'ils vont la sortir sur la Wii U, pas sa 3DS. Moi je pense que c'est la Wii U, 3DS. Tu penses que ce serait la 3DS? Oui. Ça serait vraiment un fun, là. Moi, je pense que ça va être 3DS. Je sais pas. Sérieusement, parce qu'il y a un jeu de Super Mario Bros. Wii U là, qu'ils ont montré en démo. Non, mais ça, je pense que c'est juste un démo pour pouvoir les montrer capacité de la tablette. Mm-hmm. Je sais pas à quoi m'attendre, sérieusement, mais je suis intrigué par ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est que ça va donner? Ouais. On devrait avoir probablement des nouvelles au prochain 3. J'ai bien hâte de voir ça. Sinon, avez-vous entendu parler de la nouvelle comme quoi que EA veut sortir un film Need for Speed? Non. Non. C'est étrange parce que pourtant les films, c'est quelque chose que côté nouvelle, je check plus que les jeux et ça m'a carrément échappé. Ça a l'air que EA est en train de travailler avec, est en train de chercher un studio qui voudrait créer le film Need for Speed et il voudrait le créer un petit peu comme une franchise, comme Rapide et Dangereux finalement. Qu'est-ce que ça va donner, je sais pas, mais ça me fait peur un peu parce que c'est une série que j'aime bien, puis la voir au cinéma, ça va-tu donner un résultat comme Resident Evil ou ça va donner un résultat un peu comme j'essaie de trouver un film de... Qu'est-ce que tu peux faire de différent avec Need for Speed qu'il n'y a pas déjà dans Fast and Furious? Ben, c'est sûr que dans Fast and Furious, t'as plus le côté criminel. Course-là, ça serait peut-être juste un film de course. Need for Speed, Hot Pursuit, c'est pas mal la même affaire. C'est un fait, ouais. Je suis d'accord. Need for Speed aurait-il plus d'humour? C'est ça l'argument que je peux voir, mais c'est valide. Je pense même pas. Sérieusement, là, je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que c'est juste de mauvais augure. Sérieusement, qu'ils veulent développer une série de films avec ça. Là. C'est comme vouloir développer une série de films avec Monopoly, puis ils vont faire ship. Un film avec ça. Ouais, je sais. Okay. T'en as pas long à me sortir un jeu. Comment ça s'appelle? Le jeu de table avec les autos. C'est un jeu québécois. Jeu de tarte? Autolisse, quelque chose de même. C'est un vieux jeu avec... tu te promenais autour d'un cercle, puis tu fais réparer ton auto, si t'avais des crevaisons, puis... je vais essayer de retrouver ça, m'emmener. ça va me gosser, mais... En tout cas, je sais pas à quoi m'attendre, sérieusement. Là. M'emmener mon tête de sortir un Battleship 2, Attaque des Transformers. Peut-être, je sais pas. Mais on va voir ce que ça va donner prochainement. Hein. Sinon, une nouvelle peut-être faire plaisir à Retro Gamer. Miyamoto dit, aimerait qu'on crée une suite spirituelle de A Link to the Past. Oui, je suis absolument d'accord. Je suis vraiment d'accord aussi. Il dit que il sent, selon lui, que le sequel qui aurait le plus d'allure à sortir, ce serait vraiment le jeu de Legend of Zelda, A Link to the Past. Mm-hmm. Et je sais pas à quoi m'attendre, sérieusement, si ça va réellement se passer, vu que Miyamoto est un petit peu moins entendu, on dirait, chez Nintendo ces derniers temps. On dirait que ses projets d'idées sont comme camouflés, je sais pas trop quoi. Ah, oh, mais Miyamoto s'en vient vieux aussi. Il va bientôt reprendre sa retraite, ça, je suis certain. Mm-hmm. En 5 ans. Ouais, à peu près. À peu près. Le gars, c'est quand même relativement en forme. Il fait du vélo chaque jour pour se rendre à Nintendo. Fait que, vieux, pas vieux, il a la santé, il a le cadeau de son bord. Vieux dans le sens, pas physiquement, là, mais vieux dans le sens de... Les idées sont pas mal restées dans le passé. Ils sont pas vraiment nouvelles. C'est des choses qu'ils travaillent depuis des décennies quasiment. Là. C'est des choses qu'il peut juste faire aujourd'hui parce qu'il n'avait pas la technologie dans le temps pour le faire, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment, il n'y a pas vraiment, moi je trouve qu'il n'est pas vraiment connecté avec le monde du gaming aujourd'hui. Sa dernière nouveauté qui nous a sorti, c'était Pikmin. Ah, ça fait proche de 10 ans. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui a sorti récemment, à part le dernier Zelda qui est bon. Là. Oui. Mais même encore, il y a une place plus mineure qu'il y a à peu près 15 ans. Là. Non, c'est oui. Ce qui est dommage, là. C'est des choses qui éventuellement arrivent à tout bon producteur. Effectivement. On va croiser. En tout cas, j'espère voir une suite de ce jeu-là. Ça serait vraiment cool. C'est mon meilleur Zelda comme le tien, rétro. Puis je pense que tous les deux, on aimerait ça voir une vraie suite avec même les mêmes graphiques. Je serais bien content. Ouais, ben, j'ai amélioré un petit peu comme avec qu'ils ont fait avec Zelda Four Sword Adventures sur le GameCube. Oui, peut-être, au P, mais que ça reste en 16 bits, puis en... Pas en 16 bits, mais tu sais, ça peut être oui, vas-y. Ça pourrait être vu de, comme dessus, mais tu sais, au lieu des graphiques 16 bits, c'est des graphiques 3D, un peu comme 3D Dot Heroes, la PS3. Oui, je te l'accorde, oui, ça pourrait être plus génial. Moi, hein? Oui, mais je sais pas à quoi m'attendre, on va voir prochainement. Et en partant, on est 3. Ah oui? On est 3 à aimer Legend of Zelda, Link of the Past. C'est-tu ton meilleur selon toi? Des Zelda? Et sac. Des Zelda, oui. Des Zelda, oui. Mais Minish Cap est tellement, frôle tellement la première place aussi pour moi. Je le place 4e, moi. Minish Cap? Ouais. Non, il est même pas dans les top 10. Non, mais on parle de jeu de Zelda uniquement, là, pas de. Oui, c'est ce que je dis. Il est pas dans les top 10 de Zelda. T'as droit à une opinion différente, voyons donc. Oui, effectivement. Tu vois pas que t'as un de ceux du CDI qui est plus haut que celui-là? Non, non. Non. C'est sûr que ça rentre même pas nulle part, celui-là. On y compte même pas dans la liste. Non. Bon, on va aller côté différent, côté PS3. Ceux qui ont le jeu Demon's Souls. Oui. Qui est l'antépisode de Dark Souls, oui. Viennent d'apprendre récemment que les serveurs de Demon's Souls vont fermer d'ici le 31 mai. Oui. Alors, pour ceux qui l'avaient comme moi depuis récemment, c'est plate, vous ne pourrez plus jouer en ligne, vous n'aurez plus d'aide des autres joueurs. Fait que, malheureusement, vous allez pouvoir jouer. Heureusement, vous allez encore jouer solo, mais vous n'aurez plus l'aide des joueurs et vous n'aurez plus les indices qu'ils pouvaient laisser à terre. Donc, ou les niaiseries. Ou les niaiseries, oui. Il y a beaucoup de niaiseries souvent. J'en vois souvent dire « Fais attention à toi. » rentre dans la salle devant toi. Quand tu rentres, tu avais un piège et tu crevais. Wouhou! Donc, pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là, moi, j'ai pas trippé. J'ai pas trippé Demon's Souls, sérieusement. Fait que... Donc, désolé pour ceux qui jouent à ce jeu-là. On trouve intéressant, mais pas plus que ça. Là, en fait. Mm-hmm. Sylvain, tu as sûrement vu l'édition à 1000$ de Resident Evil 6. Ah oui, avec le coat et tout. Oui, puis j'en ai parlé un peu. J'ai vu que c'était notre expert en Resident Evil. Ben oui, j'ai juste vu les photos et tout ça, puis je trouve ça un petit peu ridicule. Je suis fan de Resident Evil, mais pas au point de m'acheter le code de Leon S. Kennedy. Il y en a que oui. Oui, je sais qu'il y en a un qui va le faire. Fait que là-dessus, vous avez dans ce box à 1000$, vous avez la copie du jeu, 4 différents cover tablettes de Resident Evil 6. Donc, c'est pour mettre sur votre tablette, votre iPad ou quelque chose de même. Ouais. Et le jacket en cuir de Léon. vous avez 4 toiles. Donc, si vous avez une toile plus haut que l'Excel, vous faites pitié. Mm-hmm. Ou vous essayez de rentrer dedans et vous êtes là. Ça me fait tellement rire, ça. Sérieusement, là. Là-dessus, ce que vous savez également, que le Resident Evil ne sort plus le 20 novembre, mais il sort, je pense, si j'ai bien lu, le 24 octobre. Oui. Ouais. Oui, ça a été avancé. Je trouvais ça surprenant. Très. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus en avance sur leur développement ou ça veut dire que ils ont prévu de vouloir relancer ça plus tôt au cas où qu'il y ait un jeu qui sortait à la même date? Je sais pas. Capcom, on sait jamais. Non, ça, là-dessus, je te l'accorde. Ils peuvent annoncer des jeux pendant 5 ans puis dire, finalement, on le fait plus. Oui, je comme Mega Man Legends 3. Ouais. Excusez-moi. Il y a de quoi sacrer. Là, il y a de quoi sacrer. Puis Mega Man Online, puis. Unlimited. Ne trustez pas Capcom. Ouais, c'est ça. Voilà le message. Pour continuer les nouvelles, ça a l'air que toutes les composantes de la Wii U vont coûter 180$ à faire, mais que la console ne se vendra pas en dessous de 300$. Moi, ça me semble raisonnable. Ouais. Ça me semble raisonnable également. Parce que c'est HD. Il faut penser que c'est HD. Il faut penser que la console va offrir également plus que la Wii. Mais la vraie question à se poser, est-ce qu'elle va offrir plus que les autres consoles de génération future? Ben oui, parce que c'est jusqu'à ce qu'on sait, en fait ça, il n'y a pas de Mario puis il n'y a pas de Zelda. Juste pour ça, déjà plus. J'ai entendu parler, mais il y avait une couple de rumeurs qui disaient comme quoi que la console serait pas aussi puissante qu'une PS3. Ah, mais il y a plein de rumeurs sur Internet. Et moi, tant que je vois pas la console au E3 avec les dernières nouvelles sur son développement, ça veut dire que dalle, les rumeurs. Ça se compare pas de toute façon parce que la PS3, on le sait tous, est trop puissante pour son propre bien. Et elle sera encore trop puissante pour son propre bien dans les années à venir. Elle est puissante dans son prix aussi. Mm-hmm. Ça prend du temps avant qu'elle descende de prix. Ouais, pas mal. Pas mal. C'est fourni. C'est ça. Oui, surtout que Sony vient de crisser dehors 10 000 personnes de son staff. Ça veut dire... Oui. Et la semaine passée, ils ont commencé à licencier du monde parce que ça va pas bien côté télévision, puis probablement que le côté PlayStation va également écoper. Moi, je pense que le failure du PS Vita va rentrer dans le décor bientôt. Mais mettons C'est un failure. C'est un failure. Ça, je peux vous confirmer que c'est un failure. Je sais pas si toi, Ben, ou même toi, Sylvain, t'as fait le tour des magasins récemment. Est-ce que vous avez vu déjà des PS Vita de seconde main en vente? Non, j'en ai pas vu, mais je t'avoue que j'ai pas vraiment remarqué ça. Moi, oui. Ah oui? Ah oui. PS Vita, 200$. Déjà. Puis en plus, quand j'étais au magasin en question, il y avait 5 jeux de PS Vita qui étaient également dans la section des secondes mains. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ça veut dire que la personne, est-ce que c'est la même personne qui a acheté le même set de PS Vita, puis au bout de même pas un mois, il s'est dit fuck that noise, je vends ça, puis sûrement qu'il s'est fait acheter pour le lot pour peut-être 100-120$? Aucune idée, je t'avoue, mais moi je suis comme. C'est vraiment cette console-là m'intéresse pas en tout. Là. Fait que tu sais, la personne, c'est clair qu'elle a été à perte, perpétuellement même. Bah, c'est bien, ouais. Peut-être. Mais la PSP se vend encore plus que la PS Vita. Là, pas juste un petit peu plus. Là, quasiment là, 45 millions de fois plus. Ben, pour qu'il pense au fait que la DS, pendant un bail, surclassait même les consoles de maison de dernière génération. Ouais. Combinées. C'est assez fou pendant un bail. Mm-hmm. Je suis d'accord, mais selon moi, tant que longtemps qu'ils n'auront pas un titre qui va être assez puissant pour me faire acheter une PS, faire acheter une PS Vita, elle ne vendra pas. Même pas Ultimate Marvel vs Capcom 3, où tu n'as pas à rien downloader comparé à celui sur console maison. Ouais, regarde, ils nous ont sorti combien de versions de Street Fighter 4? S'il vous plaît, veuillez noter le sarcasme de Antithèse. C'est ça. C'est vraiment stupide. C'est horrible. Ouais. C'est, même côté marketing, c'est juste... C'est con. Ouais, total. Je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, on va oublier ça. La PS Vita, selon moi, elle va crever dans quelques mois. Comme la PS Go. Mais la PS Go, elle n'a pas trop longtemps, croyez-moi. Là. C'était un flop monumental, ça. Je m'en rappelle, j'avais un de mes chums, il en avait acheté une à la date de sa sortie. Il l'a revendu 5 jours plus tard. Ah, si, bol! Je peux rien faire que ça. Moi, je pense que Sony, ils n'ont pas encore compris que ça sert à quoi un portable de gaming. Ils ont pas, selon moi, ils ont juste pensé profit. Oui, probablement aussi. Quand tu vends ta console portable au même prix qu'une console normale, c'est pour ça que Nintendo l'a réalisé un petit peu tard avec la 3DS. Mm-hmm. Ils ont baissé après. Là. Effectivement, oui. Ça a baissé assez rapidement. Pas mal, oui. Et drastiquement que... même. Mm-hmm. Oui, ben, en tout cas, je m'attendais pas à grand-chose de cette console-là, croyez-moi. Avez-vous vu par rapport à Resident Evil 6 que la campagne va durer 30 heures? Really? Oui. I don't care. Resident Evil 6, ça dure combien de temps votre gameplay, vous autres? Hein? You know? Quand vous avez joué à Resident Evil 6, vous avez eu combien de temps du jeu à peu près? À Resident Evil 5, je veux dire. Moi, je vais commencer. Ouais, écoute, je compte pas mon temps de gaming. Je trouve que le concept de mettre du temps sur un jeu, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule quand le monde dit ouais, mais ce jeu-là, il dure combien de temps là? Parce que moi, je veux un jeu qui dure longtemps, là, là. Je n'ai rien à foutre, moi. Si le jeu est le fun, mais il dure une heure, il durera une heure. C'est vrai. Après tout, moi, je m'en fous, là. Après le gars Castlevania 1, je le passe en dedans 20 minutes, le même pas, là. Combien de temps? 20 minutes, même pas, là. Exact. Mmh. Puis il est fun en chien. J'ai payé 30$, là. Je m'en fous. OK. Mais c'est aussi parce que c'est la paranoïa de personne veut faire face à un navet. Personne ne veut avoir entre ses mains un navet comme Kane and Lich 2. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, je peux comprendre, c'est là, mais... C'est là que vient le problème. Moi, je pense plus que c'est une question de mentalité de société d'aujourd'hui où il faut combler le plus de minutes possible. En tout cas, moi, j'ai jamais vu mon gaming en termes de temps. Jamais. Toi, Marie-Lune, qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là? Ben, moi, je suis un petit peu comme Retro Gamer. Tu sais, je m'en fous du nombre d'heures qu'on peut passer sur un jeu tant qu'on a la passion pour le passer au complet. Puis si vous autres, par exemple, je vous donnerais un jeu qui était écœurant, que oui, ça peut se faire en quelques heures, mais vous saviez que vous ne rejouerez pas. Comme par exemple, je mettrais un Final Fantasy, mettons. Ouais. T'as un 30 heures de jeu assuré, mais est-ce que ça va te tenter de rejouer après avoir connu toute l'histoire? Oui. Ça dépend de ce que le jeu peut offrir, mis à part l'histoire. Mais puis surtout que Final Fantasy, c'est un bon exemple parce que ça love des side quests à n'en plus finir, souvent. Je peux pas te dire combien de fois j'ai fait Final Fantasy 4 puis 6. Ah, pareil. Pourtant, ça a été le même jeu tout le long. J'ai fait les mêmes affaires tout le long. Je pense que je l'ai refait une quinzaine de fois chaque. Ouais, pareil ici. J'ai même pas peur de vous admettre que j'ai Final Fantasy 4 au PSP et Game Boy Advance. D'accord. C'est très drôle de ma part. Ouais, je l'ai au SNES, puis je l'ai le remake sur le DS. Là, fait que... Ça veut dire que combiné, Retro Gamer PQ et moi, on a sensiblement toutes les versions possibles de Final Fantasy IV. Donc, ok. Donc, si vous voulez faire une donation à nos chers amis pour qu'ils puissent acheter la version japonaise du jeu, vous pouvez m'écrire à Accro des Jeux et je vais tenter de les communiquer le plus tôt possible. Yes! Et je vais y aller avec ma dernière nouvelle. Moi, un des gars que j'aime le plus dans le monde du jeu vidéo, c'est un Américain qui s'appelle John Romero. C'est le créateur finalement de Doom et Quake. Et en ce moment, il est en train de travailler sur un tout nouveau jeu qui serait un MMO FPS. Oh snap! Moi, ouais, ok. Donc, j'évoluerais dans un monde qui serait en constant changement. Tu pourrais jouer avec des tonnes de joueurs, mais ce serait un FPS. Donc, wow, avec des gommes. Ben, c'est, ouais, c'est à peu près ce qu'ils veulent faire avec Titan Blizzard. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu te verrais-tu tirer du gun tout le temps? Non. Toi, Marie, vu que t'es une Wowers? Moi, personnellement, c'est pas un genre de jeu qui m'intéresserait, parce que moi, juste tirer du monde, non. Je trouverais ça redondant. Puis toi, Antithèse, qu'est-ce que t'en penses? Je risque de vous surprendre. J'avoue que le concept est intéressant, mais le concept ne m'intéresse pas. Parce que, un peu comme Marilyn, c'est la redondance. C'est intéressant parce que c'est légèrement différent, mais en même temps, c'est pareil. Je veux dire, qu'est-ce que tu viens de décrire là? Qu'est-ce qui est aussi différent que Call of Duty? Ouais. Donc. Peut-être que ça va être plus sophistiqué que Call of Duty puis Modern Warfare. Qui sait? Qui sait que ça pourra donner? C'est ça. Et ouais, je suis d'accord. Ben, pour finir nos nouvelles, ben ça, c'est une nouvelle qui va faire plaisir à notre cher Retro Gamer. T'as sûrement vu l'annonce de Double Dragon Neon? Non, j'ai pas vu. C'est un remake du premier, mais avec des versions HD. Je sais de quoi tu parlais, mais j'avais pas vu le trailer. Je te dirais que c'est intéressant et graphique, mais je sais pas à quoi m'attendre vu que j'ai tellement été accroché à la version Nintendo que voir une version avec des graphiques beaux même, ça me fait peur. Hein. Ouais, ben moi, ma première expérience de Double Dragon, c'était sur l'arcade. Fait que c'était avant que le jeu Nintendo sorte. Fait que je suis déjà habitué aux changements graphiques. Là. Moi, j'avais la version Master System avant d'avoir la version Nintendo. Elle est affreuse, cette version. Oui. Mais la version Atari est encore pire. Ah, je l'ai pas fait la version Atari. Ça existe vraiment? Oui. Oui. Le seul début, la seule musique qu'il y a là-dedans, c'est toujours le même beat. Là. C'est. Ça continue tout le temps de même. C'est des carrés, là. Ça doit pas être très fun. Il faut que j'écoute ça. Je vais checker ça sur YouTube à ce moment-là. Ouais, Atari Double Dragon, tu vas voir que. Oh my god. Ça, n'importe quoi est meilleur que ça. Alors, on va vous laisser sur une pièce musicale et on va revenir après la pause pour le sujet du jour. Thank you. Hi, I'm Kyle Hebert, the voice of Teen Gohan from Dragon Ball Z. And you're listening to the podcast De Ackroyd with Big Ben, and reviewer CE. 3, 2, on est de retour. Hello. Hey. C'était bon la musique, hein? en fait, c'est quoi la musique? Ouais, c'est ça. Ça va être, c'est une tune de l'orchestre du symphonique du jeu vidéo de Montréal. Ok. Oh, FNAF! Ouais, c'est ça. C'est la version de Chrono Trigger de l'orchestre. Oh! Oh! Je l'ai pas présenté avant, mais c'est ça. Ça va être rajouté au montage après le fameux montage. Ok. Excusez-moi. C'est très précis. Oui, c'est très précis, mais comme vous savez, on fait le podcast directement sur Internet, vu qu'on est du 4 points du pays, et je parle du pays du Québec. Et on est de retour avec Marie-Lune. Salut! On n'a pas une audience en France? On n'a pas d'audience en France? Oui, on en a. Ah, good! Salut les Français! Salut nos amis français! Je suis au courant qu'en fait, il y a certains qui ne vivent pas directement en France, mais je sais pas. C'est juste que je sais pas l'audience parfaite précise parce que c'est sur la page d'accro des jeux en iTunes France que je pourrais le voir. Ok. Moi, je le vois pas vu que j'ai seulement la version canadienne. Bon. Okay. Mais bon, je sais que nos amis français nous écoutent, alors salut la gang. Allô. Hey. Alors, notre sujet cette fois-ci, ben, vu qu'on est dans. À peu près 2 mois avant le 3, pour être sûr que les compagnies de jeux vidéo nous entendent et comprennent ce qu'on veut avoir comme prochain jeu, on a eu l'idée de vous parler des jeux qu'on aimerait voir au prochain 3. Ça peut être sur n'importe quelle console. Je vais probablement partir par chacune des consoles et chacun des rédacteurs va nous dire quelle sorte de jeu qu'il aimerait avoir sur cette console. Alors, pour commencer, je vais aller avec la fameuse Wii ou la Wii U. Vu que c'est une console qui est à veille de mourir, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Nintendo sorte de quoi sur la Wii avant tout? Ben, Mario, hein? Un nouveau Mario? Ben oui, ça c'est sûr. Sur la Wii U ou la Wii U? Ah oui, la Wii U. Oui, ça la Wii U, ouais, mais... c'est bon. Ouais, mais la question à faire, c'est lequel Mario? Un Sunshine? Un jeu de sport, un jeu d'aventure. Galaxy 3. Ouais. Ou un Galaxy. Ouais. Je pense que ça va être un Galaxy, moi, pour la Wii U. Ah oui? Oh oui. Moi, je vois juste ça. J'ai l'image là, avec la manette. Là, puis on dirait que tu pourrais peut-être voir la planète de côté. Je sais pas. C'est le gros concept. Là. Qu'est-ce que tu verrais sur la tablette, selon toi? Mais c'est ça. Là, tu verrais la planète sur laquelle tu te promènes de côté ou je sais pas quoi. Là. Ok, t'es comme une sorte de map. Moi, ouais, genre, je sais pas, là. Il y a plein d'affaires qu'ils peuvent faire. C'est comme illimité, quasiment. Mm-hmm. L'univers de Mario est grand, hein, est énorme. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, je suis bien d'accord. Côté Wii U, qu'est-ce qu'il y aurait de bon qui pourrait sortir? Moi, je verrais surtout peut-être un jeu, un MMORPG. Peut-être pas un World of Warcraft. Ben, c'est Dragon Quest. Dragon Quest? Dragon Quest X qui va sortir sur la Wii et la Wii U. Oh! Oui. J'étais vraiment pas au courant, sérieusement. T'étais pas au courant? Non, j'étais pas au courant. Ah, ben, ça date de l'année passée. J'attendais la même nouvelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Dans le fond, ils vont. Ce sera pas un Dragon Quest normal. Ok. Sauf pour la zone de départ là, où tu vas faire ça normal, seul. Mais après ça, ça devient un MMO, ce qui, moi, personnellement, me désenchante un petit peu pour Dragon Quest, parce que moi, je suis un fan de Dragon Quest. Et j'aimerais bien avoir un RPG traditionnel de Dragon Quest, et non un MMO. Est-ce que ça serait un MMO payant selon toi, ou ça serait un MMO au Japon, ça va l'être. Ici, je suis moins sûr, parce que je pense que il n'y a pas grand jeu en ligne payant qui fonctionne en Amérique, à part World of Warcraft. Mm-hmm. Ouais. La plupart des jeux qui ont été payants en Amérique. Qui sont MMO, après 2 ou peut-être 2-3 ans, même certains ils ont donné ça gratos. Mm-hmm. Ouais, on pense juste à Star Trek qui est passé rapidement à free-to-play. Très à Conan aussi. Conan, puis, quel autre? En tout cas, il y en a plein. Hein? Oui, je suis bien d'accord avec toi. Puis, veut pas, on regarde qu'est-ce que ça donne en ce moment avec WoW. vu qu'ils sont en train de perdre bien du monde, peut-être qu'ils vont être envisagés peut-être de s'en aller dans ce modèle-là. Pas, ils en perdent pas assez pour enlever ça. OK. Pas du tout, pas du tout. Ils sont encore bien au-dessus des chiffres. Ils font tellement d'argent avec tout ce qu'ils peuvent, là, les autres, c'est fou, là. Ça fait partie de la grande famille Activision, là, fait que c'est certain qu'eux autres, tant qu'ils vont faire du lait avec ça, il n'y en a pas de problème. Selon vous autres, est-ce qu'on verra un nouveau Zelda sur la Wii U? Pas cette année. Sûr, la question c'est de savoir quand. Ouais. Pas cette année. Selon vous, est-ce que moi je verrais peut-être une version HD de Skyward Sword? Non. C'est fort possible qu'ils fassent ça, mais Nintendo sait qu'elle aurait avantage à faire un nouveau Zelda. Sans quoi Nintendo sait également qu'ils peuvent perdre de son fanship. Mm-hmm. Ouais, mais là, il faut qu'il se roule sa vague en ce moment du Zelda, vu que c'est en ce moment les critiques et les joueurs disent tout que c'est un des meilleurs. Selon moi, ils devraient travailler là-dessus pour essayer de nous sortir un titre qui aurait de l'allure. Oui, ça va venir, mais ce sera pas cette année, à mon avis. Ce sera pas un launch title avec le Wii U, ça. Okay. Non, c'est ça. D'un autre côté, aussi, Zelda, on commence à avoir la très mauvaise réputation, cependant, de... Nintendo annonce une date, puis c'est délayé pour quasiment 1 à 2 ans. Fait que ça sert à quoi qu'il annonce là? Ouais. Ensuite, faire empiéter les... Je suis d'accord avec toi, je me rappelle juste du fameux Kid Icarus qui était censé sortir en même temps que la 3DS, puis finalement, ça a été repoussé... Quasiment un an plus tard. Ouais. Un nouveau Metroid, peut-être. Ça serait... Ah, là, tu me fais plaisir. Est-ce que ça serait un Metroid Prime ou un Metroid... Je pense que la série Metroid Prime, c'est fini. Je pense qu'ils vont... Actuellement, il y a eu des rumeurs assez subtiles pour un nouveau Metroid Prime. Ah ouais? Il y a des fans qui également réclament la suite de Metroid Fusion. Donc un Metroid 5. Mais exactement. Metroid Fusion, c'est pas ça, Metroid 5? Comment? Fusion, c'est pas 5, ça? Non, c'est 4. Ah, c'est vrai, c'est 4. Fusion, c'est 4. Other M se passe entre le Super Metroid et Metroid Fusion. Ouais. Oui, c'est vrai, le bébé meurt. C'est vrai, excuse. Je me rappelais juste de... The baby. Arrêtez pas de broyer parce que le bébé est à mort. Ah, ça, spoiler alert, ça, j'en parle en juillet. OK. Mais si jamais vous voulez entendre parler de ça, là, écoutez le Metroid Other M en 5 secondes de Benzaï, ça dit tout. Mais moi, je voudrais qu'il améliore le concept de Other M, de montrer l'histoire de Samus, puis avec des voice acting, puis tout le kit, parce que je pense que ça serait la seule franchise de Nintendo qui peut vraiment faire ça, puis qui a besoin de faire ça. De faire plus adulte. Je regarde juste une pub de Metroid Other Prime. Quand tu regardes ça, tu te dis, Chris, pourquoi ils font pas ça de même? Ils l'avaient montré sur Retro Nouveau récemment cette semaine, je pense, la pub de Other M. Puis il y a une actrice là, réelle qui passe à travers tous les personnages puis toutes les affaires de Oui, cette pub-là était vraiment bonne. Elle était bonne en maudit. Moi, je m'attends à ce que Metroid aille dans ce sens-là. Oui. Je trouve que c'est l'univers et le personnage qui peut être développé dans ce sens-là, c'est bien Samus Aran. Ben d'accord avec toi. Pour moi, en tout cas, Other M, moi j'ai toujours dit que c'était un de mes préférés. C'est pas mon préféré, parce que mon préféré, ça reste le 3. Mais il y a du potentiel pour s'en aller dans une franchise qui aurait vraiment... Nintendo pourrait dire, OK, on a une franchise adulte, c'est celle-là. Oui. Mais Nintendo semble s'en foutre de Metroid. C'est ça qui, personnellement, en tant que fan, me gosse. Mm-hmm. Nintendo semble arriver à dire Metroid, bois. Metroid a rien eu pour son 25e anniversaire. Je veux dire, même Kid Icarus a eu une certaine gloire pour un 25e anniversaire. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il faut faire à chaque fois les anniversaires pour toutes les franchises? Non. Ça me fatigue un peu ce désir-là du monde d'avoir tout le temps quelque chose de spécial pour un anniversaire de jeu. Là. Mais on parle de marketing tantôt, ça attire. Oui, ça attire, c'est sûr. Moi, je vais l'acheter pareil s'il y en aurait un, mais... Tu comprends non, que... Pour moi, mais... On peut pas tout faire, là. T'sais. Non, on peut pas tout faire. Mais ça reste pareil que... C'est également un petit peu... Est-ce qu'ils ont vraiment confiance en Metroid? Parce que une affaire qui a été prouvée avec justement Outer M, c'est pas tant que ça. Mais c'est parce que, en tout cas, moi je trouve que le concept de Metroid Outer M était bon, les contrôles étaient à chier. Ouais. Puis changer la mécanique de même ou inclure first person avec third person mélangé, ça marche pas vraiment pour Metroid. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment difficile de switcher en première personne pour tirer les missiles sur les boss. Là. Mm-hmm. Ouais. Ça me fait vraiment chier. Là. Je pense que j'ai jamais autant sacré pour un jeu que ça, oui, que O2M. J'ai pas tant sacré que ça. Je m'emmenais, on venait à s'habituer au contrôle, mais c'est vrai que dans certains moments, moi je visais l'écran, puis j'étais pas capable d'avoir les maudits missiles, puis ça me faisait chier. Là. Ouais. Mais si on serait capable d'avoir juste le niveau, les niveaux en side scroll comme on avait, ça serait génial. Ou juste en troisième personne avec une meilleure caméra? Ou... je sais pas. C'est faisable. C'est faisable, oui, oui. Ouais, il y a beaucoup tout de jeux qui le font. Hein. Mais tout dépendant du studio où tu travailles dessus aussi. Oui. Parce que tu développes une expertise, on s'entend. Team Ninja avait une expertise déjà avec Ninja Gaiden, lorsqu'ils ont fait Metroid Other M. Mm-hmm. Ça se voyait un peu là, dans le style de combat puis tout ça. Mais moi, je dis redonner ça à Retro Studios. Pis... Faites un autre Prime. Ouais, un autre Prime, mais assez différent pour qu'on puisse dire, ben, tu sais, c'est pas juste un autre FPS. Mm-hmm. Ouais, j'avoue. Parce qu'après tout, il parlait de faire un. Comme nouveau Metroid, justement, mais un Metroid Dread. Dread? Ouais, c'est un vieux concept, ça. C'est vraiment un vieux concept ou ben. Ouais, ça date de Metroid Prime 2, cette rumeur-là. Puis il en parlait dans Metroid Prime 3 comme message, entre guillemets, pas ouais, aussi. Ça. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut étendre l'univers de Metroid? Très surpris. Ça se passe dans l'espace, tu peux l'étendre certain. Avec, de toute manière, avec une bonne tête, surtout avec ce qui s'est passé suite à Fusion, je vois pas pourquoi pas. Parce qu'après tout, spoiler, après Fusion, ben, essentiellement, Samus est devenu une criminelle interspatiale. Oh, oui. Fait qu'elle va être recherchée par les services de la Fédération Galactique, ça c'est sûr et certain. Mais moi je vais rester avec la Fédération Galactique, j'aimerais ça être un trooper de la Fédération. Le gars avec son gros missile launcher là, dans Other M, le noir là. Missile launcher ou le plasma rifle? Le plasma rifle, excuse-moi. Anthony Higgs. Mm-hmm, ça serait pas pire ça. Un jeu avec lui. Effectivement. Ouais. S'ils font ça, ils vont faire un jeu genre tactique Raccoon City, là, pis ça va être mauvais. Aussi. Ah, peut-être. Ben bon. Peut-être que ça va être ça. Ça peut être optionnel après que t'aies fini ton jeu là, avec The Metroid. Who knows? On donne des idées comme ça. Ouais, un personnage unlockable que tu peux changer pour Samus. Nya, nya, nya. Juste genre, là, je veux je veux juste le Zero Suit. C'est tout ce que je veux. Zero Suit. Pas de suit. Non, ça c'est minus one. Attention les gars, je vais m'en aller voler. Ah, oh, c'est pas grave, oui, je la vois pas. Oui. Bon, on va finir avec la Wii U. Bon, qu'est-ce qui côté machine, on peut s'attendre à avoir une machine qui est sensiblement un petit peu plus puissante qu'une PS3. Vous, est-ce que c'est important qu'il y ait un portail un peu comme la Xbox Live ou la PS3 pour jouer en ligne? Ouais, moi, je ne suis pas en ligne, mais je pense que c'est important qu'il y en ait un pareil. Là. Moi, je trouverais ça intéressant. Pour pouvoir jouer plus facilement en ligne avec les autres? Oui. Toi, tu t'aises? On se dirige vers ça, fait que pourquoi pas. Ce serait, c'est déjà obtenu, c'est devenu quasiment obligatoire rendu là. Et côté magasin? Le magasin qui change. Ben ça, il avait annoncé Nintendo Network, je pense. Ah, ça se peut, oui. Oui, il était censé avoir un magasin de jeux plus un petit peu à la iTunes, finalement. Oui, je pense qu'ils vont faire pas mal sensiblement la même chose que Xbox Live ou PlayStation Network. Il y a des rumeurs aussi qui parlent comme quoi qu'ils vont vendre des livres pour la tablette. Fait que, moi aussi, ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Je m'attends à ce que Nintendo m'épate cette année. J'espère qu'ils ne manqueront pas l'appel que je leur lance. Est-ce qu'ils vont sortir plus qu'une manette ou bien ils vont rester juste avec une manette? Selon moi, pour quand tu vas jouer à des jeux multijoueurs, tu vas rester avec la Wiimote. Ouais, ça va être des Wiimote standard. Ouais. Avec des nunchucks. Mm-hmm. C'est ce que je pense. Parce que c'est le moyen le moins cher de finalement de sortir des jeux. Vu que tu as une grosse manette pour les gros jeux standards, puis que lorsque tu vas jouer à des petits jeux de party, tu vas être à Wiimote. Mm. Alors, on va se diriger vers la DS, la 3DS. Wow. Le côté Marilyn, vu que Marilyn est plus spécialisée en jeu 3DS, à quoi s'attendre? Qu'est-ce que vous voudriez avoir au prochain 3 comme jeu? Moi, je veux les jeux exclusifs à la 3DS. Il me semble qu'il n'y a jamais de jeux exclusifs pour une console portable. Peux-tu expliquer un peu? Je prends l'exemple du dernier Mario qu'il y a eu, le Mario 3D Land. 3DS Land. Oui. Qui était exclusif à la 3DS. Mm-hmm. Puis qui sont vraiment forcés à faire les graphismes en fonction de la 3DS. Mm-hmm. Ça, tu veux dire du gameplay là, spécifique au 3D? Oui, c'est ça. OK. Ça, j'aimerais vraiment avoir des jeux de ce type-là, spécifiques pour la 3DS, qui sont vraiment intéressant à jouer juste pour la 3DS. Ok, je pensais aussi que tu disais par rapport au que ça sort pas sur multi-console. Non, aussi, c'est exclusif. Donc, tu veux avoir des jeux exclusifs. Nintendo, on sont pas mal. Multi-fonctionnant. Ben non, il reste quand ils travaillent sur un jeu 3DS, c'est vraiment ils travaillent pour la 3DS. Mais lorsqu'on se rend à plusieurs autres compagnies comme Ubisoft ou EA, ils ont tendance à sortir toutes plein de versions différentes. Pour la PS3, la Xbox, et ils vont faire une version un peu boboche pour les consoles portables. Ouais. Mais quel genre de jeu t'aimerais? Tu voudrais-tu un du nouveau Mario, peut-être? Peut-être pas, parce qu'il en a sorti pas mal ces temps-ci. S'ils veulent faire des trucs Mario, moi je dirais plus vers les nouveaux jeux, plus vers les personnages secondaires. Des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Elle veut une Super Princess Peach 2. Non. Arrête-moi ça, t'as aimé le Super Princess Peach, Marie. Oui, je l'ai aimé, sauf que peut-être pour avoir un 2. Tu sais, peut-être avoir, je sais pas, un nouveau Wario. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Wario, un truc sur Luigi, je sais pas, moi. Ben, il y a Luigi Mansus 2 qui est annoncé. Oui, c'est sûr. Sauf que, tu sais, quelque chose qui serait différent que de voir juste Mario. Un jeu, c'est Toad. Ouais, c'est cool. C'est vrai. C'est... Super Toad World. Comment ça prend de Toad pour tuer Bowser? Je sais pas, tu lances des Toads. Ça serait pas pire. Angry Toad. Angry Toads. OK, Rétro, faut que tu fasses une image. le lançage de Toad. Le lançage de Toad, ça va être de... Ça reste de Bowser. Puis Bowser qui fait comme What the fuck is going on? Ben, Call of the Toad ou je sais pas. Les champignons, mon Bowser, c'est bon pour la santé. Un God of the Toad, finalement. Aïe, aïe. Ouais, je m'attends à un Castlevania sur 3DS. Ah oui? Ah, oh, oh oui, très parce que ils ont sorti quoi? Ils ont sorti 3DS, je pense. Oui. Ouais, Order of Ruin, avant ça, Dawn of Sorrow, puis Happy, le final, Order of Ecclesia. Ouais, puis on n'a toujours pas annoncé pour le 3DS, que je trouve un petit peu bizarre. Mais ça va dépendre d'une seule et unique personne, de Koji Igarashi. Est-ce qu'il est encore avec Konami? Est-ce qu'il travaille encore dans la section Castlevania? J'espère que non. Ouais, toi, tu sais, à cause de Castlevania Judgment sur Wii. Non, pas juste à cause de ça, parce que je suis tanné de voir des copier-coller de Symphony of the Night. Je suis d'accord avec toi, oui. Je trouve que... J'en ai ma claque. Oui, mais oublie pas une affaire, que dans le cas de DF, c'était ça qui était la meilleure offrante, si tu vois ce que je veux dire, qui pouvait pousser justement les capacités qu'offrait la Tour DF au maximum. C'était des styles clones de Symphony of the Night. Oui, mais il y en a fait trop. Il y en a même sur mon Game Boy Advance. Là. Aussi. Oui, puis il y avait Harmony of Dissonance. Ouais, c'est vrai. Ah, il y avait aussi Circle of the Moon. Mais non, c'est vrai, il n'a pas produit Circle of the Moon. Non, mais ça, c'était... C'est dans le même style. Même style pareil, mais après ça, ça a toujours été des copier-coller de Symphony of the Night. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, je pense que la série était due pour un reboot avec celle-là de la Xbox. Vu de même, ouais. Parce que je te dis ça, comme ça parce que pendant un méchant bail, je disais pourquoi un reboot? WTF, pourquoi un reboot? S'il y avait une série qui n'avait pas besoin de reboot, c'est bien Castlevania, mais effectivement. Lord of Shadows, c'est... Il y en avait besoin. La série était rendue là. En fait, ça serait... Nous prouve justement que oui, il y en avait besoin. Oui, parce que Lord of Shadow, techniquement, c'est la deuxième fois qu'on reboot la franchise. Parce que Symphony of the Night, ça reste encore un peu dans le style des anciens Castlevania, mais c'est un nouveau concept, puis c'est un concept qui est resté. Mais il faudrait qu'il nous retourne au bon vieux Super Castlevania. Ah oui. Ben, moi, je pense que s'il y a un Castlevania sur 3DS, je pense que ça va être un petit peu comme Lords of Shadow. OK. Je pense que ça va être comme ça. Puis ils vont utiliser l'écran tactile pour quelque chose, pour faire des moves ou je sais pas quoi. Des spells comme dans... Ouais, genre, tu vas utiliser ça pour faire des spells ou des affaires de même. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, ça pourrait être pas pire. Sinon, à part ça, côté 3DS, voulez-vous un nouveau Resident Evil? Ben ouais, ça je pense qu'ils parlaient justement d'en faire d'autres. Excusez-moi. J'ai pas encore joué à Révélation, je vais être dû prochainement. Excellent. Je sais. Je m'y lance. j'ai très hâte d'y jouer. Mais sérieusement, peut-être oui, je verrai ça. Mais faut que je m'achète le Circle Pad Pro pour les prochains jeux. Ah, c'est bon. Pauvre toi. Je dis pauvre toi. Ben, de ce que j'ai entendu dire, le jeu est meilleur vraiment que le Circle Pad Pro. Fait que... Bon, moi, j'ai pas eu trop de bain, mec. Moi non plus. Non? Non. Je vais checker. Ben, je sais pas combien qu'ils vendent. Je vais leur checker rapidement. Je pense que c'est encore plus standard de 40$ avant taxe. 40? Puis il vaut la peine. Attends la révision de la 3DS qu'ils vont annoncer au E3. Là, puis... Ah, c'est sûr qu'ils vont en sortir une nouvelle. Ils vont en sortir avec déjà ce que le Pro inclus avec et intégré. Et pas besoin d'une batterie supplémentaire. C'est ça. Ouais. Mais je trouve ça vraiment chiant. Parce que moi, je veux acheter Monster Hunter qui va sortir sur la 3DS. Ouais. Puis je sais que j'aurai pas le choix. Il va falloir gérer le Circle Pad Pro pour ça. Fait que c'est ce qui me fait chier un peu. Mais bon. Sinon, à part ça, côté 3DS. 3DS, j'ai eu des rumeurs pour un nouveau Zelda. Ça, c'est pas surprenant, là. Mais un Zelda standard, là. Pas un nouveau, là. Pas un remake ou pas un reboot, là. Un nouveau Zelda. Pour 3DS. Dans quel style vous voudriez voir ça, un nouveau Zelda? Actuellement, c'est-tu quoi? Combien de old school? Parce que même si j'ai aimé les Zelda sur DS, les Phantom Hourglass puis Spirit of Tracks. Ouais. Non, là, j'ai besoin de revenir à quelque chose de plus old school. Là. J'ai besoin que mes pouces et mes doigts bougent plus que juste le stylus. Donc, tu verrais un jeu un peu à la version Super Nintendo, finalement? Ou à Game Boy Advance? Moi, je pense que ça va être plus une version genre style Ocarina of Time. Ouais, moi tout. J'espère juste pas que ce soit un remake. J'espère vraiment que ça va être version... Mais il parlait également de refaire... Non, c'est vrai, ça, il n'y en pense pas. C'est confirmé. Ils vont refaire Majora's Mask. Cool! Mais pas avant d'avoir fait un nouveau Zelda. Ben, pareil. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est ce que Miyamoto avait dit en entrevue. En tout cas, j'espère... Je veux jouer Majora's Mask parce que c'est un des meilleurs Zelda encore. Je dirais peut-être en 2013? On va voir ce que ça va donner en 2012 pour commencer. Ça serait le fun. Je vais croiser les doigts pour avoir un nouveau titre. Et on pourrait parler rapidement des titres third party. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en 3DS de compagnies différentes que Nintendo? Qu'est-ce qui pourrait sortir qui serait le fun? Je suis pas surpris de toi. Hein. Ça serait pas pire. Hein. Voyons donc. Pourquoi t'es pas surpris, Big Ben? Voyons donc. Qui a fait le plus grand nombre de critiques de Silent Hill sur notre site? C'est Dark Smile? Non, c'est toi. Ah! Mon Dieu, je savais pas. Dark Smile, je pense qu'il a jamais critiqué ça. Non, il a jamais critiqué ça. Il a juste critiqué. Lui, ce qu'il a reconnu, c'est Metal Gear. Fait. Moi je pensais peut-être un remake d'un Final Fantasy, comme il faisait avec le 3 et le 4. Je verrais peut-être le 6. Un remake du 5 ou du 6. Final Fantasy 6, ouais. Oh snap. Je verrais ça. Pas fou. Skyrim pour la 3DS. Oh my god. Avis à tout le monde, une cartouche 3DS peut contenir jusqu'à 8 gigs. 8 gigs, hein? 8 gigs. C'est un petit peu... Non, c'est la quantité d'un DVD normal. C'est ça. C'est pas 4.7 gigs, un DVD normal? Non, lui parle des double layers que, comme la plupart des jeux PS2 post, je pense, 2007 ou 2008. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ça a quand même un petit peu de storage, mais selon moi, je suis sûr que Nintendo sont capables d'augmenter le storage sans problème. Ouais, probablement, ouais. Fait que s'ils ont besoin de rajouter de la mémoire, je suis sûr et certain qu'ils sont capables. Bon, on va aller côté PlayStation cette fois-ci. On va y aller avec la pauvre PS Vita. Qu'est-ce qui pourrait sortir en 2012 selon vous autres? Un marteau pour la détruire. Bonne idée. Non, on l'explose à coup d'explosif, tu sais. Ouais, ça coûte cher. Ouais, c'est vrai que les explosifs coûtent plus cher que la manette. C'est pas légal. Ouais. Ouais, mais c'est le fun, par exemple. Ça veut dire qu'on oublie mon idée. Excuse-moi, Harry. Encore une fois, je m'excuse. Non, mais deux fois, c'est, deux fois. C'est beau. On se rachète les pour savoir qui parle en premier. Je te laisse la parole. OK. On va y aller avec elle, puis elle va par défaut. Après. Donc, mon idée d'aller en Hawaï avec une PS Vita, puis le jeter dans un volcan, c'est trop cher. Ben, je connais une méthode qui est un peu moins chère. Je sais pas si vous connaissez les vidéos du gars, à chaque fois qu'il y a une nouvelle bébelle électronique qui sort, il va l'acheter et il va la péter devant tout le monde. Non, ouais, il va la péter devant tout le monde. Ouais, dans le fil. Je pense que lui, il ramasse les dons. À Copé, tu peux aller donner des sous à lui, puis il va te faire ça. Je pense que le gars, si tu tapes Smash My PS3, c'est le premier gars qui apparaît. Sweet. Fait que, si jamais tu veux donner des sous, je pense que c'est lui qui va pouvoir. Ça va coûter moins cher. Ben, je vais sortir de même PS Vita. Il n'y a pas grand chose qui va sortir, selon moi. Ils vont nous sortir des petits titres, mais ça va être souvent des titres qui vont être déjà apparus sur les autres consoles auparavant. Je m'attends pas à ben de nouveautés. Si on pas les partenaires qui se joignent à l'équipe, la PS Vita va mourir. Oui. Ça va faire un peu comme une Nintendo 64, donc les jeux Nintendo. Les jeux seulement de la console, la compagnie Sony va sortir, puis les autres, ça va être de la boboche. C'est ce que je prédis, à moins que PlayStation vraiment se donne un pied dans le cul et décide de faire quelque chose de nouveau avec cette console-là. Mais je pense que PlayStation va se concentrer plus sur la PS4 de toute manière, ou le Ortiz. Je sais pas à quoi m'attendre sérieusement. Côté PS3, moi je sais qu'en tout cas, ils vont sortir une couple de jeux sur PS3 cette année. Qu'est-ce qui pourrait sortir en PS3? Un nouveau Uncharted? Là, on parle toujours qu'ils vont annoncer au E3. Oui. Pas des jeux qui vont justement sortir de prochainement. Là, on parle au E3. Oui, donc c'est les nouveautés là, qui pourraient sortir l'année prochaine, je pense, en 2013. Square sont réputés pour toujours faire un tease. Oh, il y a un nouveau jeu, il y a un nouveau Final Fantasy qui sort. Et les fans, la communauté demande toujours, c'est-tu le 7? Ben non, niaiseux, c'est le nouveau Final Fantasy. Haha. Est-ce que Square va faire la même niaiserie? Je sais pas. Selon moi, ils le sortiront pas. Ils en feront pas. Ils vont attendre le bon moment pour nous en sortir un. Puis quand ils vont voir que l'engouement du set va commencer à disparaître, là, whoop, on a un nouveau jeu pour vous autres. Selon moi, c'est clair. J'avais oublié de donner les paroles à Marilyn par rapport à la PS Go. La PS Vita, sacrément. On l'aide, la Vita. Je l'aime tellement que j'ai oublié son nom. Mais Marie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez du dessin qu'on avait fait de moi avec une fireball dans les mains? Ouais, oui, elle est encore sur le forum. Moi, je vais prendre cette fireball-là puis la sacrer sur la PS Vita. Ben, on appelle ça aussi du gaz à lighter puis un allumette, là. Mais, Non, mais une fireball, c'est bien plus cool. Ouais, t'en fais pas. T'es pas capable de faire une fireball, Marie. Ben, la WoW, oui. Fait que, on transforme la Vita en dessin pour voir, puis moi je vais pouvoir la flamber. On va t'apprendre, Marie, à faire des fireballs. Que ce soit un boss de raid, genre. C'est hot. On envoie l'idée à Activision et. We want a raid boss, it's a PS Vita. Have fun! Drop snuffing. Ah, man, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ce raid-là? Ça sert à rien. Oh. Non, ça pourrait être un April Fool de l'année prochaine, ça, par exemple. Ouais. Envoyez ça à Activision, à Blizzard, pour dire le prochain 1er avril 2012, là. Non, 2013, là. Faut que WoW s'en aille sur PS Vita. Ça semble que ça va être tellement la grosse chose qu'on sortit. Ça va être genre le headline, ça va être PS Vita finally has a game. C'est méchant. C'est tellement vrai. C'est fait. Ouais, j'ai bien raison. Il n'y a pas grand chose qui peut sortir de cette console-là. Sérieusement, là. And now you can move your characters with your hand on underside. Wait, what? So... You can finally touch that ass. Tu dis ça, puis pourtant, dans Resident Evil Deadly Silence au DS, ben, tu pourrais faire ça aussi avec Jill. Ah. Puis elle sautait. Ah. OK. Également la poitrine, puis elle sautait. Eh bien. Et non, je ne passais pas mon temps à faire cela. C'était... Ouais. J'avais lu ça, puis OK, regarde, après une shot, c'est fini. Là. Je veux dire, le fun n'est plus là. C'est comme dans le 4 quand tu as Resident Evil 4 puis quand la fille est montée dans l'escalier, tu checkais en dessous de sa jupe là. Oh yeah, you pervert. Ouais, hey you pervert. Oh, yeah. Côté PS3, côté jeu, je vois pas grand chose d'exclusivité de la part de à part des nouveaux Jak and Daxter, des nouveaux Ratchet and Clank et même aux jeux qui sortent là. Peut-être un nouveau God of War. Une nouvelle franchise peut-être. Qu'est-ce que ça pourrait être comme une nouvelle franchise selon toi? Je sais pas. C'est justement, on le sait pas. Ils n'ont plus de Resistance 3. Fait peut-être un nouveau FPS. Faire de la concurrence avec le nouveau Halo. Ouais, mais Call of Duty occupe pas mal de terrain dans ce coin-là. Hein. Ouais, mais côté science-fiction, shooter, il n'y a pas grand-chose. À part Call of Duty futuriste. Ben, c'est vrai que Call of Duty, tu reprends ton souffle puis tu continues. Nouveau comme logique, là. Hey, Call of Duty Space Modern Combat. Ouais, c'est ça. Dans pas long, tu vas voir un gars. Ah non, j'ai rejoué à Duke Nukem puis j'ai tellement ri à shot parce que Duke arrive à côté d'un gars. Il dit hey, Duke, on a ton armure. Tu vois, c'est une armure vraiment qui ressemble à Halo. Puis tu vois, c'est comme. Armor is for pussies. Armor is for pussies. C'est comme le plus gros what the fuck moment tu peux donner à. Pas un what the fuck moment, mais le moment le plus hot. côté PS3, il n'y a pas grand chose. La PS Move va probablement mourir. Je vous l'annonce déjà officiellement. Ah, pas bon? Mourir. Oh, on va pas mourir. Faut y organiser des funérailles. Il n'y a pas assez de jeux, dans le fond, c'est vrai. Il n'y a pas assez de jeux qui portent intérêt sur la PS Move, c'est vrai. Je me demande encore comment le monde font pour avoir encore ces manettes-là de chez eux. Il faudrait demander à Mr. Captain Montréal, qui a encore une PS Move chez lui. Mon ancien coloc aussi, puis sa réponse a été, ben écoute, les premiers jeux qui sortaient étaient cool. Ben c'est ça, c'est les premiers jeux. Il n'y a plus rien. Bon, ça, c'est intéressant que ça. Ben, parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la PS Move dernièrement, c'est qu'ils ressortent les mêmes jeux comme Heavy Rain, comme Resident Evil 5, version PS Move. On les a déjà, ces jeux-là, s'il vous plaît. J'en veux pas. Merci. Bye. Bon. On a déjà fini avec PlayStation, selon moi. Vous pouvez vous en rajouter, vous autres? Peut-être avoir un œil peut-être sur la nouvelle console, la PS4/Otis, puis encore. M'étonnerait. Hein, c'est ça. On sait, c'est ça, c'est pas sûr. Est-ce que Sony est vraiment prêt à annoncer une nouvelle console? Selon moi, non. Ils sont déjà assez dans la merde avec le 3 que. Mais c'est ça. Ils vont déjà tout faire pour pousser au maximum la console. Fait que ça, ils vont les tirer le plus loin possible. Ben, ils ont fait la même affaire pour le PlayStation 2 avant d'annoncer le 3. Ils l'ont étiré. Ouais. PlayStation 2, ça ben oui, puis il était même en concurrence directe avec le PlayStation 3 pendant la crise. Et voilà, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je me rappelle que dans les chiffres, la PS2 était encore plus vendue que la PS3. Ouais. Je comprends. Pour pendant quasiment un an, en fait. J'ai encore autant de fun de jouer à PS2 qu'avec la PS3. Ben oui. J'ai encore plein de jeux que je trouve pas cher et je joue encore à ça. Ah, c'est clair. J'ai dû changer ma PS2 justement parce que ma PS2 avait de la misère. Tellement que je jouais quoi? Dessus. J'avais le gros modèle. T'avais la grosse? Ouais, avec le gros modèle, j'ai dû chercher le petit modèle. Ok. Faut juste pas que tu joues longtemps avec le petit modèle parce que la puce chauffe vite. Ah, je savais pas. Fait que c'est ça, le seul défaut. Tu peux pas jouer très très longtemps. Ok. Bon, on va s'en aller avec la dernière console, Xbox. Lords of Shadow 2. Ce serait le fun! Ouais, ouais. Et ça, ils l'ont annoncé, mais j'ai hâte de voir. Oui, ils l'avaient annoncé l'année passée, puis je suis sûr qu'on va le voir au E3 cette année. On va-tu avoir le même casting? Ben, d'après ce que j'ai dit, c'est continuer l'histoire de Gabriel Belmont, là. Ok. Qui est Le protagoniste du jeu. Ouais, c'est ça. J'allais dire un spoiler assez majeur, mais là, je me tente. On va attendre. Ben, en tout cas, Altitez va savoir de quoi je parle quand je dis que ça va se passer entre la fin après-générique, puis le jeu de le Resurrection, le add-on. Actuellement, le Reverie puis Resurrection, c'est des add-ons que je risque de m'acheter prochainement. Tu devrais, parce que ça suit l'histoire à partir direct à partir de la fin du jeu. Sérieux? Ouais, puis ça explique pourquoi c'est la fin après le crédit. Là. Je veux pas spoiler, Ben. Non, ouais, il faut que je joue à ça, moi, là. En tant que jeu, faut. C'est une expérience géniale. Ironiquement, avec la supervision de Hideo Kojima. Pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, mais c'est. Tant qu'il n'est pas le principal dedans et qu'il ne nous sort pas Lords of Shadow à la Symphony of the Night, là, on va être bien correct. Non, j'ai dit Hideo Kojima, j'ai pas dit Iga Igarashi. Ah, j'avais compris IGA. Non, pas IGA, je parle de. Ah, excuse. Metal Gear. Kojima est encore dans le coup pour ce qui est des jeux. Puis, oui, lui, il est correct. Mettons qu'il est capable de me surprendre à chaque fois qu'il sort un jeu, lui. Est-ce que tu as essayé Metal Gear Solid 4? Oui. Ok. J'ai adoré. Sérieusement, c'est un de mes préférés. Moi, j'ai détesté, je me suis censé insulter par Metal Gear Solid 4. Ah non, moi, j'ai bien aimé. Sérieusement, même à part la fin qui m'a fait comme What the fuck? J'ai fait comme Ah, c'était bon, là. C'était entre autres pour ça. Ben, c'est surtout la fin. La fin m'a fait comme un gros What the fuck moment, là. Mais je donnerais pas le punch vu qu'il y a du monde qui n'a peut-être pas encore joué. Mais non, sérieusement, j'ai bien aimé le 4. Sinon, à part ça, côté Xbox, un nouveau Fable, peut-être, pensez-vous? Une nouvelle console. La 720. La 720? Elle est plus sûre d'être sortie que, mettons, la PS4, puis la Wii U, est-ce qu'ils vont en parler? Oui, je pense que la Wii U va en parler, mais ouais. Vu qu'on a déjà parlé l'an passé, il risque d'avoir un plus gros focus sur la 720 parce que ça, c'est nouveau. Même si ça a été discuté de longue haleine durant les dernières années, ça reste que s'il y a un moment pour que Microsoft capitalise sur l'annonce d'une nouvelle console, c'est naturellement le E3. Ouais, mais tu la verras pas cette année, pardon. Non. Ils vont peut-être montrer un démo technique puis qu'est-ce qu'elle peut faire, mais ils ne montreront rien plus. Là. Selon moi, ils vont concentrer cette année sur la Xbox 360 encore. Je pense qu'ils veulent sortir un nouveau modèle de la console. C'est ce que j'ai entendu. Oui, il y a un modèle encore plus petit. Comment, mec? Il va sauter? Aucune idée. Mais de ce que je pense qu'ils sortent une nouvelle version de la console. De ce que j'ai entendu. Quoi, ils vont l'appeler la Extra Slim? Je sais pas. Je vais essayer de retrouver rapidement la nouvelle. Mais j'avais vu une nouvelle là-dessus sur Kotaku. Mais ça serait probablement le moyen, parce que ce serait une console qui coûterait quasiment rien à sortir. Ouais. Ça sera pas très long. Je check rapidement. Moi, je suis en train de vérifier ça, moi aussi. Comment tu trouves ta nouvelle 360, toi? Tu trouves-tu qu'elle surchauffe bien? Moi, j'ai le vieux modèle. Moi, j'ai l'élite à la maison. OK. Ben, moi, le modèle que j'ai là, depuis que j'ai mis le disque dur dedans, il chauffe moins. Là. OK. Fait que j'ai installé mes jeux dessus, puis c'est tout. Puis t'avais pas de... Avant, t'étais sur le 4 gigs, c'est ça? Ouais, puis là, j'ai acheté du 320 gigs. OK. Puis là, ben vu que le DVD tourne plus dedans, mais c'est encore moins chaud que c'était. Là. OK. Puis t'as quasiment plus bruyant non plus. Là, en ce moment, je ne vois rien par rapport à cette nouvelle-là. Je vais essayer de vous en reparler au pire au prochain podcast. Mais de ce que j'avais lu rapidement, ils voulaient peut-être sortir une version slim de la 360. Puis qu'ils la vendent vraiment pas cher. Pour... Fait qu'un slim slim. Un slim slim. Donc, je dis ça sur des pincettes. Faut juste que je retrouve la nouvelle. Mais entre-temps, côté 360, un nouveau Halo 4, on va voir des nouvelles images qui vont sortir probablement. Metal Gear Rising, je pense aussi qu'ils vont nous montrer. Revenger. Metal Gear Rising, Revengeancer, une affaire de même. Mm-hmm. Avec, ben, ça dépend. Il est supposé sortir cette année. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils sont supposés de se servir de E3 pour finaliser, si on veut, le moussage derrière le jeu. OK. Fait qu'est-ce qui arrive? Encore une fois, faut attendre et voir. Et qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à une compagnie, les autres compagnies, qu'est-ce qui pourrait sortir sa 360? Darksider 3 peut-être? Gundam? Un nouveau Gundam? Je me pose la question. Peut-être pas. C'est vrai que Gundam 2 nous avait laissé sur une fin assez satisfaisante, mais peut-être. Peut-être qu'avec Gundam 3, il prendrait un autre personnage? Peut-être. Moi, j'ai une idée qui vient me popper dans la tête. The Suffering. Ah, si, bol. Oh, j'ai jamais joué. J'ai toujours voulu jouer à ça. Rétro, si tu veux, je l'ai... j'ai la version full gratuite avec moi dans mon ordi. Full gratuite, que ça veut dire en français? Ça? Ouais, ça veut dire quoi? C'est full gratuite, man. Non, je vous explique. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un sur Dagger with the Glasses qui a fait une critique sur The Suffering, ouais. Le premier, pour PC. Mm-hmm. Puis là, dans les commentaires, peu après, t'as Benzaï qui a sorti le lien pour télécharger le jeu gratuitement, le jeu full. Fait que t'as pas besoin de code, pas besoin de rien. Non, t'as besoin de télécharger, tu joues, puis y a pas de problème. C'est plutôt étrange, je t'avouerai. De la part de Midway, right? Mm-hmm. C'est vrai, c'est très étrange, mais j'ai joué, j'ai le jeu, et je peux vous certifier qu'effectivement, y a pas de problème. Je serais plus porté à me l'acheter pour 8,47$ sur PlayStation 2. Oui, si tu le trouves. Ah, je l'ai trouvé. Sur eBay? Non, sur chez Lucky Games. OK, ah oh, oui, ton site que tu utilises. Moi, j'achète mes jeux rétro là-dessus. OK, OK. Il y a même le 2 à 9,32$. Oh! Wouhou! Ça vaut... C'est winning. sinon, à part ça, côté Kinect, quel genre de jeu vous verrez? Kinect, là, c'est... Moi, je suis en ce cas. Moi, j'ai bien de la misère avec Kinect. Ah oui? Moi, là, j'ai vu une critique vidéo l'autre fois sur le nouveau jeu de Tiger Woods. OK. Puis, il disait que sur Kinect, c'était pas l'idéal parce que t'avais l'air d'un mongol dans ton salon avec rien dans les mains. Puis, je suis pas mal d'accord avec ça parce que, il me semble, jouer au golf, t'as besoin de la sensation d'avoir un bâton dans les mains pour faire ce que t'as à faire. Mm-hmm. J'ai l'impression là avec les Kinect d'être un mongol. J'espère que personne me regarde. Tandis que c'est différent que la Wii parce que t'as un objet dans les mains. T'sais, tu peux simuler d'avoir une raquette ou quelque chose, mais t'as quelque chose dans les mains de palpable. Okay. Tandis qu'avec la Kinect, il faut que tu fasses semblant, c'est comme si t'avais un ami imaginaire. Là. Puis la avec la Wii, toi, t'as-tu ce même feeling-là quand tu joues au jeu de golf ou. Ben non, parce que j'ai de quoi dans les mains. Okay. C'est ça, j'ai quelque chose de tactile dans la main qui représente l'objet en question. Okay. Tandis qu'avec la Kinect, ben c'est comme si tu étais un mongol dans ton salon qui est un ami imaginaire. J'avoue que des fois j'ai ce feeling-là, mais en jouant à Wii. Je fais juste danser sur les Just Dance et j'ai l'impression des fois d'avoir de l'air niaiseux. Marilyn va poster une vidéo bientôt de moi en train de danser sur une toune. Assez bizarre. C'est une manga. Wow. Pas de manga. Non, pas de manga. Super héros japonais. C'est très, très drôle. Et Sentai. Ouais, ça fait pitié. Et c'est ridicule. Je l'ai déjà fait en vidéo. En danse. Alors, non, c'est ça. C'est, j'ai de l'air niaiseux déjà avec une manette. Alors, sans manette, je pourrais te confirmer. Mais rapidement, comme jeu, un des nouveaux Dance Central, j'imagine, vont sortir un. J'espère juste pas qu'on va sortir un Star Wars Kinect 2. Effectivement, c'est-à-dire, Angry Joe a eu les mêmes arguments que Retro Gamer vient d'expliquer par rapport au jeu de golf pour Star Wars Kinect. Donc, ça a l'air très, très mauvais. Ah, c'est apparemment le meilleur jeu, c'est dans le Star Wars Kinect, c'est le pod racing. Les courses dans Star yes. Wars, le premier. Yes. Parce que j'avais les yeux interrogateurs de Marilyn qui me demandait c'était quoi ça. Les courses du Phantom Menace. Ouais. Ouais. Donc, c'était très mauvais. Fait que moi, écoutez, Kinect, s'il travaille pas sur un nouveau système de jeu dessus, je n'embarque pas. Et ça sûrement, va, ça va mourir aussi, hein. Ils veulent embarquer, en plus, la Kinect obligatoire, c'est à 720. Selon les rumeurs que j'ai vues. J'ai eu les mêmes rumeurs. Je ne veux pas. Ils vont me perdre. Ça va limiter l'expérience de jeu en universellement parlant. Mm-hmm. Ouais, ben d'accord. Sinon, on va passer au côté Xbox. Je vois pas grand-chose d'autre. Nouveau Gears of War, probablement, peut-être. Sûrement qu'ils vont annoncer ça va être un spin-off ou quelque chose. Là. Sûrement. Ils vont sortir ça avec une nouvelle équipe. Puis, je m'attends pas. Gears of War Car Racing. Je sais pas. Hein? Il est à côté de moi. Je vais passer à Chainsaw dans le sort. Ou encore Space Racing. Ouh. Ou Chainsaw Simulator ou quelque chose genre. Avec la Kinect. Ouais. Il y a un monstre devant toi, faut faire le mouvement de la Chainsaw. Bon, là on est rendu dans la dernière console, admettons, qui pourrait être présentée au E3. On parlerait surtout de PC. Et on s'attend pas à grand chose côté. Je m'attends à quelques jeux. Des mêmes jeux que sur Xbox puis PlayStation 3, mais en version PC. Côté Steam, je te dirais, je m'attends surtout à un nouveau Half-Life. Il va sûrement être annoncé. Tu ris, tu niaises, là, tu sais. Ouais. Ils vont traîner ça encore pendant 15 ans. Là, c'est... Oui. Oui. Tu vas avoir Half-Life en 2040, là. Ben, au pire, je vais avoir un calage. Ouais. Je sais pas. Je pense pas qu'ils vont prendre autant de temps que Duke Nukem. Là. Mettons que Duke a été vraiment exceptionnel dans le temps de développement. Sinon, à part ça, nouveau Portal, peut-être? Pas si tôt. Portal, ouais. C'est pas si tôt. Mais c'est dans le même univers qu'Half-Life. Hein. Mm-hmm. C'est-tu le même univers? Oui. Ah ouais. Ben oui, dans Half-Life 2, dans l'épisode 2, je pense qu'il mentionne Aperture puis tout ça. Là. Ah, sérieux? Ouais, il faut qu'il aille là, justement, puis ils ont arrêté le jeu, là. Ah, OK. C'est le jeu Half-Life 2 finit avec cet épisode-là où tu t'en vas à Aperture pour avoir une arme spéciale pour chasser les extraterrestres de la planète. Oh. C'est ça. Sinon, à part ça, World of Warcraft, on a le fameux Mist of Pandaria. Que... Oui. Sérieusement, Fallout. Moi j'ai hâte. Mais moi j'ai mis. Parce que ça fait longtemps que les Pandaren auraient dû être dans le jeu. Parce qu'ils étaient là dans Warcraft 3, Frozen Throne, dans la campagne Horde. Mm-hmm. C'était pas juste des personnages secrets, là. C'est un personnage principal. Ok. Ah, je savais pas. Ça fait longtemps qu'on le demande. Puis on pensait qu'il allait être là dans Burning Crusade, mais ça fitait pas avec Burning Crusade. On pensait qu'il allait être là dans Lich King, mais ça fitait pas encore dans Lich King. Puis là, je pense qu'il commence à être temps. Puis, qu'est-ce que tu t'attends à avoir de plus avec Miss Pandaria, à part les fameux pandas, finalement? Qu'est-ce que tu as hâte de jouer avec? Ben, ils ont... qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a les Challenge Mode. OK. J'ai bien hâte d'avoir plus de détails là-dessus. Là. Apparemment, ce serait genre une version Challenge des donjons 5 personnes, mais pour une personne, ou pour ta classe, ou genre de nom. Ah, ben... Puis t'obtiens des médailles, des achievements, ça fait de même. OK. Puis toi, les fameux combats de pets, qu'est-ce que t'en penses? je trouve ça cool. T'es un collectionneur de pets. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Toi, Marilyn, qu'est-ce que t'en penses de Miss of Pandaria? Pas grand chose. Je joue de moins en moins à Wars. Donc, moi, c'est quand. Moi, je suis pas vraiment l'historique de World of Warcraft. Mais quand la première fois que j'ai vu les pandas, j'ai fait OK. C'est quoi l'affaire de Kung Fu Panda dans le rapport? Moi, ça m'a fait penser vraiment à Kung Fu Panda au début. Bon, c'est sûr qu'ils vont faire des références à ça, mais les Pandaren étaient sortis bien avant Kung Fu Panda. Non, je sais pas. Sauf que, tu sais, sur le coup, j'ai fait OK. Moi, je trouvais l'univers de Pandara très, très beau, par exemple. Mm-hmm. Parce que moi, j'adore tout ce qui est l'univers japonais. Fait que j'ai fait wow. Ouais, c'est très asiatique. Très asiatique. Ouais. Sauf que je voyais pas le trip du panda au début. Je sais pas trop si je vais me le procurer, ça va dépendre. Là. Je sais pas trop là. Ça va valoir la peine. À part que tu trouves ça cute. Je sais pas. J'ai un gros point d'interrogation. Moi j'avoue, je pense pas que je vais aller chercher la version collection. Non, j'ai jamais pris version collection par exemple parce que je trouve ça trop cher déjà en partant. De toute façon, tu vas être capable de l'avoir comme quelques mois plus tard à moitié du prix, tu sais. Moi, ouais, c'est sûr. Mais sérieusement, je pense que je vais attendre un peu. Vu que j'ai débarqué de WoW un peu, je suis comme moins là. Ça me tente moins en moins de jouer à WoW. Mais moi, je me demande en ce moment, ça va être quoi le boss final? Parce que là, dans Lich King, on avait Arthas. Là, on avait... Ouais. Là, on avait... comment il s'appelle le dragon? Deathwing. Deathwing? Deathwing. Là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ben, là, on va le savoir quand l'expansion va sortir. Ça va être du nouveau, là. Ça sera pas du QI déjà. Là. Ok, ok. Parce que Deathwing, c'était dans Warcraft 2. Ok. Sinon, je m'attends pas à grand chose, sérieusement. Je vais attendre peut-être. Je vais peut-être laisser. Je vais attendre quelques semaines, voir la réaction des joueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense que je vais embarquer plus tard. Parce que je me rappelle dans Burning Crusade, dans Lich King, j'étais un gros hardcore. Je faisais des donjons, j'adorais ça. Je faisais les raids. Mais depuis Cataclysm, sérieusement, j'ai débarqué. J'ai comme pas trippé. Surtout sur les raids, là, j'ai comme fait non, c'est pas pour moi ça. Bon. Fait que pour ce qui est en tout cas de celui-là, sinon, à part ça, si on regarde les projets, moi, c'est surtout ce que je vais regarder en 2012, ça va être les projets Kickstarter. Je regarde ça attentivement. Je vois beaucoup de bons projets. Wasteland 2, qui est comme l'ancêtre spirituel de Fallout. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Toi, tu avais parlé peut-être de Fallout 4. Oui, j'allais mentionner Fallout San Francisco risque de faire apparition sur le 3. Également, mais ça, c'est moins certain. C'est moins certain parce que c'est encore une bataille légale. Ce serait le Fallout MMO. Ouais, mais là, il y a une grosse guerre juridique en ce moment entre. C'est ça que je viens de dire, ouais. Apparemment, une partie de ça est réglée. Apparemment, que la Cour a accepté que Bethesda puisse gérer eux seuls les MMO, mais Virgin veut avoir sa part du gâteau, c'est sûr et certain. C'est certain. Ils voudront pas. Ils lâcheront pas leur bout. Ça, c'est sûr. Non, pas pour l'instant. Fait que c'est réglé, puis ça va être se compliquer. C'est ça, dans le fond. OK. Sinon, on passe à côté gameplay, jeu PC. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Ce serait un nouveau Unreal. Mais Unreal Tournament. Parce que depuis le 2005, il n'y a rien eu à part Unreal 3. Puis j'adore Unreal Tournament. C'est pas le seul. Le jeu est fucking hot. C'est le seul jeu vraiment que shooter là, que j'étais capable de passer 4 heures dessus sans problème. Puis de faire juste, ok, essayer de pogner tel relais, puis relier tel relais. Ah, puis là, je me fais attaquer par un char avec des lames qui sortent. Moi, c'est ce que j'aimerais, là. Quelque chose de futuriste, mais de fou braque en même temps. Ah, oui, il faut qu'il y ait de la folie. Moi, dès que c'est fou, je trouve ça hot. Je sais que l'engin Unreal 4 va être annoncé publiquement sûrement au E3. Mm-hmm. Fait que probablement qu'il va y avoir Unreal 4 aussi. Peut-être. Moi, j'espère juste qu'on remette les véhicules. Parce que dans Unreal 3, je pense qu'il n'était pas. Si je me souviens. Fait que, ben, on va croiser les doigts là-dessus. J'aimerais bien ça. Vous autres, toutes consoles confondues, qu'est-ce que vous aimeriez voir, peut-être? Dans les PC, il y aurait des nouvelles sur Borderlands 2, peut-être. Ben ça, oui, ça c'est annoncé, il va sortir. Mais quand? Ben, probablement prochainement, parce qu'il y avait déjà de la publicité au PAX. Ah, ok, my bad. Ah, y'a pas de problème. Je sais que tu peux aller voir, il y a plein d'images avec des entrevues avec ceux qui sont en train de faire Borderlands 2, fait que tu vas sûrement trouver de quoi. Ok. Toi, Rétro, as-tu une idée de jeu que tu voudrais voir prochainement? Ben là, moi, j'attends impatiemment Resident Evil 6. Pareil pour moi. Puis je fais pas mal le focus là-dessus, là, m'a dit. Là. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres jeux annoncés ou futurs qui retient ton attention. Qui retient mon attention. Lollipop Chainsaw. Mais à part Diablo 3 qui sort le mois prochain, c'est pas mal ça. Non, j'en marque même pas, je pense, dans Diablo 3. Non! Avec. Ben, surtout que quand j'ai su que le producteur du jeu a crissé le camp comme quelques mois avant la fin du jeu en disant c'est vraiment pas mon projet à moi, là, ça en dit gros de ce que je pense. Ben, oh, snap! Parce qu'il a fait un petit crisis de bébé. Là. Ben, c'est parce que de ce que le monde sont en train de jouer au bêta en ce moment, ils sont en train de me dire ça ressemble vraiment pas au Diablo 2, ça a l'air d'être une version simplifiée de Diablo 1. Oh. Ben, j'entends le contraire. Moi. Tu penses le contraire, toi? J'ai du monde qui sont sous le bêta aussi, puis les autres, ils disent que c'est Diablo 2 en mieux. Ben, ça a l'air qu'ils ont beaucoup simplifié les skills, puis les tout ce qui est finalement leveling, puis tout ça. Fait que c'est ça qui m'a fait peur un peu. Ouais, ben, je vais attendre avant de l'acheter, ça, c'est sûr. Oh, oui, tu peux attendre. C'est ce que je vais faire. Marilyn. Demain, des jeux rapidement avant que tu aimerais voir prochainement, toutes consoles confondues. Pourquoi pas un nouveau Sonic? Ça fait longtemps. Il y a Sonic 4 épisode 2 qui est annoncé. Sinon, pas ça. Ils vont toujours nous sortir des Sonic. Ça, on s'attend à ça. Il va y avoir un Sonic Olympique encore. Inquiète-toi pas avec ça. Oh my god. Pas sûr qu'ils vont me tenter de jouer à ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai juste joué aux démos sur la 3DS, puis j'ai comme fait comme. Ah, non, mais le pire, c'est que ça vend, là. C'est Mario versus Sonic Olympics, c'est ça vend, c'est fou. Ben oui, c'est parce que tu mets Mario, là. Oui, mais. Avant ça, ça faisait 20 ans que les gens voulaient ça. C'est cool. Ouais, mais tu sais, on s'entend-tu que oui, le monde attendait ça, mais tu sais, je pense qu'il attendait plus à un jeu comme ah, ok, j'utilise Mario ou j'utilise Sonic dans telle situation. Mm-hmm. Je pense que ça aurait été plus ça. Moi, je pense que Sonic, c'est mort. Sonic, ouais. Sonic est pas mal mort. Mais il y a quelques tentatives de bons jeux. Regarde, Sonic 4-1, il est pas pire pareil, mais c'est pas la coche. C'est vraiment pas la coche. Faut que tu fasses rentrer le monde de Nintendo, là. Je pense que c'est la seule solution. Déjà qu'un des créateurs de Sonic est rendu chez Nintendo, ça veut dire bien des choses. Ouais, la franchise comme elle est présentement, elle est morte. Mm-hmm. Ouais, mais être en respiration artificielle parce qu'ils sortent des jeux tout le temps, mais. Ouais, c'est ça. Il essaye. Sinon, rapidement, comme ça, je dirais, je pense que c'est tout. J'ai-tu oublié quelqu'un? Non. Je pense qu'on va pouvoir finir le podcast sur cette note-là. Qu'est-ce qu'on s'attend du 2012 en gaming? Je m'attends pas à une grosse année en 2012 pour ce qui est des jeux vidéo. Selon moi, ça va être surtout du réchauffé qui vont sortir, mais attendez-vous à avoir une grosse année 2013 en jeu vidéo. Ça risque d'être le cas. Selon moi, oui. Selon moi, on a des grosses nouvelles qui vont sortir cette année. Le dernier E3, il n'a pas été si gros que ça comparé à 2011, mais celui qu'on va avoir cette année va nous annoncer des belles choses. Puis je suis sûr qu'il va nous annoncer des affaires surprenantes. Oui. On s'attend à avoir des surprises. Je veux que Nintendo ressorte Kung Fu. Ah, si bon! Marilyn me regarde encore qu'un un regard interrogatif. un Gyromite, un remake de Gyromite. Oh non, pas un contrôle pour la Wii U. Avec la Wii U. Ben oui. Contrôle les tubes qu'il y avait sur la manette. Là, mais non, je donne la mode à Rob. Et Rob, c'est pas comme. Yeah. Ça serait pas pire, à vous? Il faut qu'on ramène la franchise du Remite. On passe un Kickstarter là-dessus. Bring back Germite. Avec un nouveau robe. Avec un nouveau robe. Puis un ouais. Glove. Ouais, Bob c'est 2.0. Ils vont appeler ça le Wii Glove. Le Wii Glove. Oh my god. Hey, tellement de choses que tu peux sortir des vieilles. Un nouveau pad. 4 heures. Qu'est-ce qu'il y avait comme niaiserie qui sortait sur la Nintendo ordinaire? Ah, plein d'affaires. Ah, la Wii Force. Ouais. Tu joues dans les mains? Ah non, la Kinect, c'est ça, là, finalement. Ouais, c'est ça. Kinect Germite. Bon, mais je pense que c'est à peu près tout pour ça. Vous autres, avez-vous un dernier mot à dire à ce fameux podcast? Un nouveau Megaman! Nouveau Megaman? Bah, peut-être sorti Megaman 11. Rendu oh là. Et... C'est tellement cool, mais non. Un nouveau Megaman X? Ouais, possiblement Megaman X9 en version 16-bits. C'est vrai, ce serait pas c'est vrai, pire. C'est vrai, il en parlait. Il en parlait comme en tant que downloadable. Ouais, ce serait pas pire, ça. Sinon, tant que ça, un nouveau Blaster Master. Hey, shit. J'en sors les vieilles affaires, moi. Non, tu fais bien. C'est correct, ouais, mais sauf qu'après, en tout cas, moi, le dernier que j'ai joué, c'est celui-là qui avait sa WiiWare, là. Mm-hmm. Et j'étais pas mal déçu. À WiiWare, tu parles l'espèce de remake ou une suite? Ben, c'est pas un remake, là, c'est une suite. Ok, non, je sais pas, parce que moi je l'ai vu, puis je me suis dit que c'était peut-être un remake. Non, c'est vraiment une suite. Là. Ok, c'est une suite. Alors, là-dessus, on va finir le podcast du mois d'avril. Merci beaucoup tout le monde. On va commencer avec Antithèse. Comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter sur antithèse@yahoo.ca ou encore à antithèse@gmail.com. Pardon, gmail.com. Et t'as aussi un Twitter. Un Twitter. @antithèse16. SAYS. Oui, monsieur. Alors, pour toi, Rétro, comment on peut te contacter sur les internets? Sur ma page Facebook de Rétro Gamer PQ. Vous n'avez qu'à chercher Rétro Gamer PQ dans le petit engin de recherche de Facebook ou sur mon channel YouTube ou bien sur le forum des accros. Là. D'accord. Marilyn, comment on peut te contacter? On peut me contacter via Facebook sur la page d'accro des jeux. On peut me contacter via Twitter, terrien.mariev, très simple comme ça. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes suite au dernier podcast qui se sont joints à ma chaîne Twitter. Je les salue. Nice. Oui. Sinon, à part de ça, on peut me rejoindre sur mes chaînes YouTube. Un vlog de Marie et Création ML. Création ML pour les critiques de jeu. Puis c'est pas mal ça. C'est à peu près ça. Tu as aussi un Twitter à Terrien Mariev. Oui. Et Big Ben. Moi, Big Ben, je suis compte rejoignable sur Twitter, à Accro des Jeux. Je suis également disponible sur accrodesjeux@commercial.gmail.com. Je suis rejoignable également sur la page Facebook des Accro des Jeux. Je suis rejoignable sur le forum et je n'accepte pas les invitations de gens sur Facebook depuis récemment, tout simplement par souci de vie privée. Mais si vous désirez me contacter, il y a les autres modèles. Je suis très fréquent sur les autres forums. Et également, si vous désirez contacter nos collègues Reviewer CE, il y a sa propre page Facebook. Et Twitter. Vous juste à taper Reviewer CE, il y a ces deux pages. Vous pouvez également rejoindre notre webmestre Giger, à Giger sur le Twitter. Juste à le contacter ou sur le forum des accros également, il est disponible. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté ce formidable podcast des accros. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'édition officielle. Entre-temps, on va essayer de faire un petit podcast peut-être un podcast avec JP Cardin. Alors, là-dessus, je vous laisse. On vous laisse. On vous souhaite une très bonne journée si vous nous écoutez. Alors, c'était le Big Ben. Et Antithèse. Rétro Gamer PQ. et Marilyn. Pour le podcast des accros, l'édition du mois d'avril, on vous remercie beaucoup et à la prochaine.